21h minuit sur Énergie. C'est dans la maison. Bienvenue sur Énergie, bienvenue tout le monde. Il est 21h pile poil, le vendredi on est là. Et oui, qui dit vendredi dit un moment on va se poser parce que c'est le début du week-end. Enfin, on va se relaxer, on va se faire du bien, on va se faire plaisir. On va aller au sauna, on va aller faire du football, du football. On va sortir avec les potos, on va manger dimanche avec mémé, je sais pas moi, dans un petit restaurant bien tranquille à la campagne. Oh, c'est bon ça. J'espère les amis que vous allez bien de votre côté, tranquillou, bonsoir Lara. Hey, bonsoir. Hey, j'ai flippé Lara, je te vois arriver, mais genre vraiment là, maintenant. Mais j'étais aux toilettes. D'accord, oh, ok, ça va, bon, j'ai pas de raison d'être là-bas alors. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il vaut mieux arriver en retard qu'arriver avec une mauvaise mine. C'est vrai, c'est bien j'ai vu ça. J'ai me repoudrer le museau. D'accord, non mais attends, t'as vraiment été aux toilettes pour te repoudrer le museau, mais c'est la radio, on nous voit pas. Oui, mais c'est pour mon bien-être personnel. D'accord, enfin, c'est pour ma dignité personnelle. Et puis parfois on nous voit aussi quand même. Hein. On nous voit dans les vidéos, je peux te dire que moi je sur vois YouTube, la ouais. Ça. Des fois je me vois, je suis là, what? Ouais, effectivement, moi je vois quand je suis pas tu sais, je suis pas coupé, pas bien, que voilà, je suis pas prêt et quand tout. T'as pas fait tes contours. Mais bon, c'est pas grave, on est bien, on est tranquille. Bon, quoi de prévu ce week-end, Lara, du coup? Écoute, honnêtement, j'ai encore rien prévu. Et, je sais pas si vous, comme moi, vous êtes un peu en ralenti par rapport à l'émission d'hier. On moi, a eu 5h15 d'émission hier. Ouais, on a terminé à quelle heure? 2h15. Voilà, fini. Le temps de rentrer, laisse tomber quoi. Ah ouais, moi j'étais au dodo, il faisait 5h du mat et puis je t'ai réveillé sur les pistes d'athlétisme. Hein, purée, ah mais on quoi. A vu la photo. Oh, j'ai craché, j'ai vomi. Non mais j'ai vomi pour bah de vrai. Ouais, hein. Mais c'est toi aussi quoi, quand tu sais que. Mais j'avais un rendez-vous, voilà. Après c'est tout le monde, il y a Nigel qui s'est emballé. Nigel qui est du côté de Paris ce soir, je tiens à le préciser. Ouais, hein. Pas là. Il n'est pas avec nous, voilà, il avait un truc urgent pour l'émission, hein, tiens, je te précise. À faire là-bas et puis heureusement on a alors il a pris sa place, il a directement bondi sur le siège hein. Non pas du tout, c'est Eddy, il m'a dit dégage, je veux pas te voir donc, voilà. Bonsoir Thibaut, comment ça va? Ah ça va super, et toi? J'étais juste un peu en PLS là tantôt en arrivant. Ouais, j'ai vu, t'étais dans une position un peu étrange comme ça, toi aussi t'es fatigué. Ah ouais, hein. Ouais, j'étais un peu fatigué, mais bon, on est toujours en forme pour l'émission. Et ben c'est ça qui est bien. Bonsoir Eddy, comment ça va? Mais ça va super bien. Eddy dans la maison. Moi j'ai juste l'impression qu'on a jamais quitté ce studio. Ouais. J'ai la même sensation que toi, c'est drôle en fait. On est parti tout à l'heure, on a mangé un petit bout, on est revenu. Ouais, voilà, vraiment. Et là, on est bien, mais ce studio est chaleureux, il fait bon vivre. Il est agréable, hein, quand ouais, même. C'est hein. Cool. Mais sauf qu'ils auraient pu mettre un peu plus de clim, parce que moi, je crève de chaud, moi, de mon côté. Pour hein. Une fois, alors que d'habitude, il fait caillant. Mais drôle. Tu sais, c'est ce truc aussi, on s'est couché tard, on a dépassé les heures. Ouais, grave. Mais ouais. Tu vois, quand tu passes une bonne soirée, le lendemain, t'es crevé, mais t'es bon crevé. Mais c'est ça. C'est une fatigue. Tu te dis. Agréable. Franchement, ça valait la peine. Complètement. Voilà. En tout cas, les amis, ce soir, Angel ne sera pas avec nous, mais il sera là avec l'âme et avec. Dans nos cœurs. Avec le cœur et la graisse et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ce soir, grosse émission. Quand je dis grosse émission, c'est que. Alors, a priori. Quoi? Mais on n'a pas de nouvelles d'elle, on doit avoir Véronica la voyante. Oui, non, elle va venir. Ah, elle va venir quand même. Oui, j'espère oui. Qu'elle nous écoute en ce moment j'ai sur la route. Elle a eu un téléphone. Elle vient vers quelle heure? Elle va venir. Elle m'a dit qu'elle avait vu que ça serait une très bonne émission. C'est vrai, elle l'a vu dans les cartes. Parce que Nigel n'est pas là, donc. Ah bah donc du coup, dans du ces coup, cas-là. C'est certainement une meilleure émission. Il y a tout qui roule, exactement. En tout cas, plus gentil pour elle. Et merci pour tous les messages. Hier, c'est incroyable. Il était 2h15 quand on a terminé. Les auditeurs, vous étiez chauds, vous avez envoyé des notes vocales dans tous les sens. Et ben franchement, ça nous a touchés parce que vous nous avez accompagnés, mais méga tard hier. Qu'est-ce qu'on a ri. Des gens qui nous ont dit ouais, je dois me lever super tôt, j'ai les embouteillages, je dois aller bosser, j'ai plein de trucs à faire demain et tout. J'ai l'école. Et il y en a plein qui nous a écouté tard sur le WhatsApp, c'est encore hallucinant les messages qu'on a eus. Et ben vraiment merci à vous et merci à vous d'être là encore une fois connecté ce soir. Il y a Maxime qui est dans la maison et qui nous envoie un message à 0492 222 002. Vous avez jamais envoyé de message à la radio? Et ben allez-y, à bon moment de vous faire le sommaire de l'émission là, il suffit de faire ça sur le WhatsApp 0492 222 002. Écoutez. Jusqu'à 3h alors. Non, alors aujourd'hui on va faire un boulot. Déjà je me suis fait tuer par ma femme hein. Oui, ouais, c'est qu'on ça, a appelé en direct. Entendu ça. Elle m'a éclaté hein. Ah ouais, bah alors là je lui ai dit non mais t'inquiète pas chérie, ce soir je la fais pas tard, je finis à 00h30 comme d'habitude, tu parles 2h15. Ouais mais c'est dégueulasse. Elle m'a regardé avec une sept tête, elle a annulé tous ses rendez-vous de la journée à cause de moi en fait, parce qu'elle a pas dormi. Elle bah oui, elle m'attendait. Le débrief après l'émission et tout. Ouais, en plus surtout le débrief, tu vois, il était important, il y a ma meuf qui m'appelle tout le temps. Bon, tu viens quand? Oh la pression quoi. Zeynep aussi qui nous envoie des messages là. Dans la maison. Et c'est mignon, vous avez fait un truc en cœur, il y a Anil aussi qui est là. Ah non, on t'entend pas Anil. On t'entend pas, Anil, il va falloir réviser ton téléphone. Jonathan est là aussi. Allô, l'équipe. Merci pour la super soirée que vous nous avez fait passer hier. Sérieusement, vous êtes le number one. Bonne soirée, les gars. Merci, John. C'est cool. Mélissa aussi qui est là. Salut, Vin. J'ai un problème. Je voudrais avoir des avis. Bah, dis-moi, Mélissa, il n'y a pas de problème. 0492-222-002 si vous avez un message à passer. Michael Taximan qui est là. Bonsoir, toute l'équipe. Passez encore une bonne soirée. Je vais encore passer une bonne soirée avec vous. C'est parti. Yo, la famille est dans la maison. Merci, Laurent. Il y a François qui est là aussi. Ismaël nous envoie un message. Salut, toute l'équipe. Ismaël dans la maison. Salutations à Anna Maria aussi qui est là. Merci pour les messages que vous envoyez là. Salut toute la team, je t'écoute maintenant, t'es le meilleur. Salut de Soigny qui était envoyé aussi. Il y a Noah qui est dans la maison aussi. Il y a Leslie qui est là aussi. T'as dit quoi, Leslie? T'entends pas? Ah non, Leslie, on t'entend pas, ton micro était pas branché. Supprimez la note vocale et relancez là alors, les amis. Et Damien, oula, Damien, qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que Véronica peut deviner qu'est-ce qu'il y aura comme aliment dans mon cul aujourd'hui? Ah, il faudrait lui demander. Eh ben écoute, on va tenter de vérifier ça avec elle tout à l'heure en direct là. Il y a plein de nouvelles personnes qui sont là le soir là. Alors c'est un message de qui ça? Elle doit chercher un McDo. Bon appétit. Pedro qui est là, il lui dit salut, bonne soirée l'équipe. Pedro qui vient du Luxembourg, il nous écoute au Luxembourg là. Leslie aussi dans la maison. Leslie est dans la maison sur Énergie. Yeah, merci. Jas aussi est là. Eh ben, ça fait plaisir. Franchement, vous êtes là. Bonsoir. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Salut, bonsoir. Vince. Est-ce que tu peux l'écouter, Vince, le message vocal? Juste, Vince, tu peux dire à Lara que je l'aime. Eh ben oh, voilà. Chouchou. Ah, message ouais, passé. Et j'ai eu beaucoup d'amour cette semaine, je trouve. Ouais, t'as eu et beaucoup de love. Ça me fait du bien. Il y en a un qui te kiffe beaucoup, c'est Alexandre. Hein. Alexandre qu'on a eu hier au téléphone. Alors ah, bon, oui, les amis, je dois vous faire le topo. Je vais vous expliquer tout ce qui va se passer dans cette émission. Véronica la voyante sera avec nous tout à l'heure. Ouais. On ne sait pas à quelle heure, mais elle sera avec nous tout à l'heure. Et si jamais vous voulez passer avec elle pour la voyance, puisqu'elle peut. Alors le principe, c'est très simple avec Véronica. Il ne faut surtout pas donner des détails. Vous arrivez avec elle en direct à l'antenne. Vous dites tout simplement, voilà, je voudrais bien voir qu'est-ce qui va se passer en amour. Voilà, professionnellement. Voilà, professionnellement. Qu'est-ce qui va se passer à l'école? Qu'est-ce qui va se passer dans le sport? Elle ne fait pas la santé et la mort. Voilà, exactement. Elle n'en parle pas. Comme le génie d'Aladin, elle ne peut pas faire tomber amoureux des histoires dans le genre. Enfin bref, voilà. Par contre, il suffit de poser des questions. Genre, vous avez un doute sur. Alors, personnellement, et Véronica, elle me connaît, je n'arrive toujours pas à y croire et je n'y croirai pas. C'est vrai? Mais par contre, elle m'a quand même bluffé. Mais j'arrive toujours à me dire, ouais, mais c'est pas de la magie, c'est pas du voodooisme, c'est pas des cartes. En fait, elle a un pouvoir, elle a. Peut-être genre, qu'elle est ultra sensible. Elle est peut-être ultra sensible, elle arrive à capter des fréquences dans la voix qui permettent de déterminer des choses, tu vois. Mais non, parce que justement, j'essaie demande, toujours de trouver une raison qu'on, scientifique. Qu'on dise le moins possible. Donc, quand tu dis le moins possible, qu'est-ce que tu. C'est vrai, t'as rien. Dans la ouais, voix. C'est vrai, c'est vrai. Bah, en tout cas, c'est à tester. Si vous voulez tester avec elle, il n'y a pas de problème. Elle sera avec nous tout à l'heure. Allez-y, il suffit d'envoyer voyance au 0492-222-002. C'est lui toute la type de malade, là, vous êtes top. J'ai hâte de commencer le taf et de vous écouter. Et voilà, de vous écouter au travail, c'est le plus agréable avec vous. Là, continue les gars, merci. Meilleure équipe d'énergie, Vince et sa team, merci pour le message. Il y a plein de nouveaux ce soir, hein, je tiens à le préciser. Et voilà, merci à. Alors, la Vince, la voyance me fait peur. Il y en a plein qui testent, hein, ils envoient voyance et tout, bah, ça fait plaisir. Et un message de qui là? Voilà, c'est Bouba de Liège, je suis en patrouille. Et franchement, ça fait trop plaisir de te réécouter, Vince. Toi et l'équipe, vous êtes trop, trop fiers. Hey, merci fior, à vous, merci. On est fiers. Grave, on est norvégiens. On est forts et des fions. Voilà. On est forts, on est des fions. Exactement. Bon, on va se faire d'Aya Nakamura ou mes copines ce soir sur Énergie. Alors attention, le vendredi, c'est une journée spéciale. On vous passe des moments que vous avez peut-être pu rater. Ah, parce que parfois, pendant la semaine, on rate des trucs. Et ce soir, les amis, on a. Un appel téléphonique a été fait hier à 2h du matin. On va commencer avec ça. Ouais. Hier, on a fait l'émission très tard, comme vous le savez. Et à 2h du matin, on s'est dit, tiens, eh ben, si on téléphonait à notre patron. On a d'abord essayé Nicolas Fader, brand manager. Il dormait. On a essayé Kim Benz. Il dormait. Super brand manager. Il dormait aussi. What? Et puis, on a essayé le patron, le PDG des PDG. Piou, piou. Monsieur Marc Vossen. Et il a décroché. Et ouais. Écoutez, et ouais. Ce moment, il est épique. Parce que, au-delà d'un canular improvisé, alors qu'on était tous fatigués à 2h du matin, il s'est passé quelque chose là-dedans. Ah, il s'est fait flasher. Ah, mais tu vois, il fallait pas dire. Il fallait pas dire. Oh, tu vois, tu spoil. Sorry. Tu vas me spoiler Venom tant que tu y es. Je vais le voir ce week-end. Putain, me dis rien. Il meurt à la fin. Non, je crois pas parce qu'il paraît qu'ils veulent faire plusieurs films. Donc, les amis, ce sera dans quelques minutes sur Énergie. Là, on a appelé notre directeur général à 2h du matin. Vous allez découvrir ça, c'était magique. On aura également plusieurs friendzones ce soir. Il y aura Dominique Godembois. Ouais. Ah ouais, non, mais gros programme. Hein. Et vos messages 0492-222-002. Bienvenue sur Énergie. Voici tout de suite le son de Aya Nakamura. Avec copine. Bienvenue sur Énergie, on est en direct. Let's go. Il m'a dit t'es où, je te rejoins, t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas la fesse. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Sur Énergie, Nakamura avec Copine. Si vous avez raté hier soir à 2h du matin, en même temps c'est peut-être possible parce que vous étiez en train de dormir. Oui, parce que hier on a fait l'émission jusqu'à 2h15, on est parti en sucette. On a appelé le directeur général d'Énergie et de Nostalgie. Oui, parce que c'est voilà, c'est le directeur de plein de trucs. Et ben ça à découvrir tout de suite sur Énergie. Bienvenue, c'est Vince. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Vince est sur Énergie. On prend le numéro du grand patron. Non. C'est non, non. Le grand patron. Allez, hop, celui qui a les cheveux de spaghetti. On appelle, c'est parti. On touche du bois. Alors là. Eric, tu vas paniquer quand tu vas rentrer. T'es dans la merde. Si tu sais pas où dormir, tu peux toujours aller au tremplin. T'es joué. Oh. Putain, et Marc, il va nous niquer, ouais. Allô? Oui, allô? Allô. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir monsieur, allô. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle du Canada là. Du allô. Canada. Oui, je suis avec Marc Vossen au téléphone. Oui. Ah, formidable. Voilà, je vous appelle en fait par rapport à une situation assez bizarre hein, de vos collègues, je pense, nous a téléphoné, nous a fait une très mauvaise blague en prétendant qu'il y avait un attentat dans notre établissement. Et donc, comme la situation est assez grave, en fait, nous désirons porter plainte. D'accord. Donc, voilà, vous êtes bien le directeur général, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Voilà, formidable. Voilà, la personne a prétendu que des personnes allaient poser des bombes dans notre établissement. Et donc, nous sommes extrêmement confus par rapport à cette situation. Oui. Et donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a... parce que cet appel provient de chez vous. On voudrait savoir... un petit peu avoir plus d'informations, en fait. Écoutez, je suis très étonné de votre appel, parce qu'effectivement, je ne vois pas qui de chez nous aurait pu vous appeler pour pouvoir générer ce type d'angoisse que je comprends très anxiogène. Et donc, je suis perturbé par votre appel. D'accord, vous semblez être sur la route. Peut-être que je ferais mieux de vous rappeler plus tard. Ben écoutez, je suis sur la route et donc j'ai le main libre, donc je peux très bien continuer à discuter avec vous. Mais je ne sais pas, votre voix me dit quelque chose. Ben écoutez, je me présente, je m'appelle Philippe Lacroix, je suis directeur de d'un établissement peut-être que vous connaissez du côté de Montréal. D'accord. Nous travaillons en télévision, en fait. Oui, nous d'accord. Nous sommes la RTC. La RTC, ouais, ok. Si ça vous dit quelque chose, je ne sais pas. Non, mais bon. Non, par contre, votre voix me dit vraiment quelque chose. Ouais, bon, Marc, c'est Vince. Oui, j'avais cru comprendre. Dédicace. Marco, c'est le grand directeur général. Il ne dort pas, il ne dort jamais. 1h47, il était encore avec des meufs. Il sort du sauna. Il vient de passer du bon temps. Il est parti en boîte de nuit. Marc Vossen, l'ambianceur du sauna hammam. Bonsoir Marc. Je vais très bien. Voilà. Alors, chers auditeurs d'énergie. Attends, excuse-moi, mais qu'est-ce que vous foutez encore à 1h40? Alors, Marc, tu sais, tout a dérapé à un moment donné. On a perdu le contrôle de cette émission. On s'est fait parasiter par les auditeurs sur le WhatsApp. On n'a eu que des messages. D'ailleurs, s'il vous plaît, donnez des messages d'amour à Marc Vossen. C'est notre directeur général sur le WhatsApp. Ça nous ferait plaisir. Eh, hey, mais Marc, comment ça se fait que tu vis la nuit? Hein, Batman? Je vis tout le temps. Mais attends, la vie est courte. Il faut en profiter un maximum. Faut qu'elle. Ouais, c'est vrai. Non, sérieux. Je viens d'un un super endroit à Genval, là, maintenant. Et là, je vais quand même retourner me coucher. Mais viens, non, mais rejoins-nous. On est en live jusqu'à 3 heures. Ouais. Non. Ben non, je vais me coucher. Merde. C'est bon. Putain, c'est ce que je me dis dans ma tête depuis là tout à l'heure. Ah, mais c'est ouf. Ah, et Marc, il y a beaucoup de messages pour toi. Attends, je te les passe, écoute. Ouais, Marc, franchement, t'as engagé une sale équipe. Vive la team, vive Vince. Ben, vive Marc tout court et toute son équipe. Encore des messages. Pour l'augmentation du salaire, c'est mort. Hein. Là, c'est mort. Hein. On nous envoie encore ça, là. Et pour Marc, allez, allez. Et pour Marc, allez, allez. Allez Marc, et pour Marc, allez. Message de Tony aussi. Monsieur Vossen, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à notre cher Vince, à son équipe, parce qu'on les adore, Et par de ce fait-là, on vous adore aussi, parce que du coup, vous êtes les meilleurs, on vous aime. Et Marc, il comprend pas ce qui se passe à sa radio, tu vois. Il se dit, mais c'est quoi ces clowns, là c'est... Je veux bien qu'on a fait un partenariat avec le cirque Bouglione, mais on va pas déconner non plus. Vince, la vie est courte. Il y a juste un truc qui m'enquiquine. Je suis sur l'autoroute, là, je viens de quitter l'autoroute. Ouais. Et vous savez qu'à Outer Game, il y a un flash. Tu peux pas dépasser 70 à l'heure. J'étais tellement perturbé par ton appel, à mon avis, je viens de me faire choper. Il s'est fait flasher. Allez, car il s'est fait flasher. Ça va passer en note de frais. Eh ben, tu sais quoi? Non, même pas. Oh, même pas. Oh, c'est dommage. Je suis pas en service commandé, là. Donc, c'est juste ma pomme. Merci, hein. Merci, les gars. Merci. Marc, on te souhaite une bonne soirée et branche-toi sur Énergie, du coup, hein, 103.7. Hein. Bonne nuit, ciao. Ouais. Bisous, bonne nuit, Marc. Bonne nuit, ciao. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Et dites-vous que c'était ça hier à 2h du matin, les amis. C'était magique, hein. Bougez pas, parce que tout à l'heure, on aura du Dominique. Avant ça, Zara Larsson avec Ruin My Life. Bienvenue sur Énergie. You don't. want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, let him make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on. If you make it all wrong, let 'em make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Come back to me, come back to me, come back to me. Bienvenue sur Énergie. Le soir. 21h minuit. Oh là là. Yo. Du lundi au vendredi. Yo. Vince. Vince est sur Énergie. Bonjour à Vince et dame. Maison. Bon week-end tout le monde, 21h22 avec les amis là, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Il est temps de se poser, il est temps de... Ça va Lara, qu'est-ce qui se passe? Tu veux faire un regard perçant comme non, ça? Non, je te regarde. Enfin, pas un regard de chat, mais un regard vraiment, je sais pas, qui me rentre dans l'âme. Ah bon? Ouais, je sais pas, quand je parle, tu me regardes et on dirait que je t'ai fait mais du mal. Mais j'essaie de percer... Du mal? Ouais, grave. La vérité, je te regardais, mais je te voyais pas, elle j'étais kiffe dans mes le SM. Non mais non, mais les gars, il n'y a pas de sous-entendu derrière. Voilà, il y a beaucoup d'auditeurs qui demandent ton numéro de téléphone. C'est gentil. J'en ai donné un, deux, trois. C'est tout. Donc, non, c'est une blague. Non, je te fais confiance. Non, mais voilà, mais c'est drôle parce que t'as pas idée à quel point il y en a beaucoup qui le demandent. Alors, je peux faire un petit point rapide par rapport à Alexandre. Vous rappelez, Alexandre, il est passé hier dans l'émission. On n'arrête pas. On se vanne avec Alexandre depuis un moment, là. Il n'arrête pas de nous appeler pour sortir de la friend zone et tout. Il a voulu sortir de la friend zone avec une prostituée. Donc, sortir avec une prostituée. Non, mais c'est une histoire très sérieuse. Et d'ailleurs, on va repasser ce moment-là tout à l'heure. Et puis, on a découvert avec Alexandre hier soir très tard. Bah qu'en fait, il était SDF. On l'ignorait, il a 18 ans. Il est tout jeune, il a été éjecté de chez sa mère. À l'école, il avait des gros problèmes. Hyper triste, voilà, il a une situation très conflictuelle et tout. Ses parents, sa mère l'a laissé tomber, tout il simplement. Il a vécu un drame aussi, il y a quelques temps. Ouais, un drame très très grave, voilà, d'une personne, heureusement, qui est en prison. Enfin voilà, vraiment une situation compliquée. Alors du coup, on s'était dit, et je remercie vraiment beaucoup les auditeurs qui se sont manifestés hier soir. Ça s'est passé tellement tard, c'est incroyable, vraiment tard dans l'émission, qui se sont manifestés pour venir en aide à notre ami Alexandre. J'avais demandé d'envoyer Alexandre sur WhatsApp et puis toutes ces personnes-là, j'ai créé un mini-groupe privé dans lequel ils sont en train de parler, voilà, des personnes qui sont motivées. Je voudrais vraiment les remercier tous voilà, d'avoir fait ça, c'est vraiment cool. Il y en a beaucoup qui vont apporter des... J'adore les... Merci. C'est pas des... C'est ça les applaudissements, mais c'est gentil. Mais c'est Thibaut qui a lancé ça, je sais pas, maintenant on est obligé de le suivre maintenant. C'est mignon quand même. Mais voilà, ça s'est fait comme ça et je tenais à les remercier les plus actifs en tout cas. Il y a Omar, il va se reconnaître. Il y a Nathalie, il y a Najat aussi, il y a Rachid et également il y a Cédric que je salue. Je dois juste cliquer sur les infos du groupe, voilà, parce qu'il y a vraiment... Il y a LNN Snap aussi, c'est un mec qui fait des snaps sur... Ah, je connais très bien, moi. Et qui est là, qui est motivé. activé. Il y a Jules aussi que je remercie, Jonathan, Géraldine, Francisco. Voilà, il y en a un paquet. Vraiment, merci les amis. C'est vraiment très cool de venir comme ça. On aide à Alexandre. Et je crois que les choses se passent là, tranquillement. Moi, demain, je vais prendre mon petit baluchon. Je vais lui donner quelques vêtements du côté de la Louvière. Donc voilà, entre-temps, on va essayer d'avoir au téléphone ce soir parce qu'on a envie de se marrer quand même, parce qu'il y a eu un moment magique avec la friendzone et ça va repasser tout à l'heure. Le kiff ton frère également est prévu pour ce soir. Le bébé, j'ai déconné. Le monsieur Dominique, le goût en bois, est prévu pour ce soir. Ah oui, ça faisait longtemps. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus, ça c'est sûr et certain. Et ce qui est super cool aussi, c'est qu'on a la voyance et elle va arriver là, elle se gare. Il paraît qu'elle est en train de se garer, Véronica, c'est bien ça. Ah voilà, écoute, elle m'envoie des petits mails, elle est là devant la porte, je vais aller lui ouvrir. Elle t'envoie des mails? Enfin, un WhatsApp. Ah d'accord, ok, j'étais en train de me dire what the fuck, la meuf elle a pris son ordi, tranquille, elle envoie des mails sans problème. Tu peux envoyer des mails avec ton téléphone. Hein. Ouais, je sais, bon, je sais pas si elle connaît la technologie, Véronica. Tu es un voyageur et tout. Elle. Ouais, grave. Elle va encore laisser des signaux de fumée elle là. Elle m'envoie des attention. Oui, oui, j'arrive, oui. Ouais, c'est ça. Ah merde, la télépathie. Allez, salut. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ciao. Moi, je me dis, mais pourquoi elle envoie encore des mails, des messages, tout ça? Elle peut en faire de la télépathie. Elle peut envoyer des fantômes carrément, même, Véronica. Bon, Lara va aller lui ouvrir, là. Et j'ai le plaisir d'accueillir rapidement, là, pendant quelques minutes, Roland qui est avec nous. Salut, Roland, comment ça va? Pas très bien, et toi? Mais ça va très bien. Roland, s'il vous plaît, maximum de bruit. Roland est à la maison! Merci, sur Énergie. Gentil. Roland, tu es un auditeur, tu nous écoutes et tu m'as envoyé un message qui m'a beaucoup touché il y a quelques jours. Ouais. Et tu m'as demandé si c'était possible de venir avec quelqu'un. Tu es venu avec qui ce soir? Avec mon fils Loris. Oh, salut Loris, comment ça va? Ça va, tranquille. Hey Loris, c'est la première fois que tu parles dans un micro de radio? Ouais. Loris est dans la maison! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Ça va les amis, vous allez bien, tranquille? Oui, très bien, on a passé une bonne une journée avec toi. C'est kiffant le café gratuit, hein. Vous avez appris quelque chose? On a appris des choses. Vous avez appris quoi? J'ai vu tes studios, comment tu travaillais, tout ça. Ça va, c'est du travail quand même, hein, t'as vu, hein. C'est pas juste allumer un micro. Non, hein. Non. Ah, c'est bien de le dire, c'est gentil. Eddy? Mais moi, je trouve ça super marrant parce que j'ai l'impression que le petit, il est moins stressé que le grand. C'est ouf, toi. Le petit, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Hein. Raison. Oh là là. Il est trop à l'aise. Il est trop à l'aise derrière le micro, le petit. Là, je crois qu'il faut l'engager. Ah ouais, tu sens aussi le petit potentiel. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai senti ça. Et, c'est bien, comme ça, on aura un deuxième petit dans l'émission après Thibaut. Il est plus grand que moi, déjà, c'est trop tard. T'as dit quoi, Roland? Je suis timide. Oh, mais ça va, tu fais quoi dans la vie? Tu es mignon. Papa, t'es trop mignon. Tu fais quoi comme boulot, Roland? Je suis ancien chauffeur de bus. Ancien chauffeur de bus, chauffeur tech? Ouais. Ça va, t'as fait la grève ou pas? Non. T'as jamais fait de grève? Non, mais c'est une question, hein. T'inquiète. T'as toujours bossé? Oui, parce que je travaille pour un privé, donc je suis obligé de travailler. D'accord, ça explique. Mais Vince, toi, moi, je prenais tout le temps le bus parce que j'habite en Wallonie, tout ça. Oui. Et pourquoi les chauffeurs mettaient des amendes tout le temps? Parce que moi j'avais tout le temps des amendes, hein. Quand je montais dans le train, j'avais pas mon abonnement, vous mettiez des amendes et tout. Ah, faut arrêter. Moi j'ai hein. pas connu ça, moi. Ah, t'en as pas mis. Attends, mais le chauffeur de bus il met pas d'amende quand même. Si, c'est les contrôleurs. Arrête. Les contrôleurs ils me bloquaient, ils me disaient non, soit tu rentres pas dans le bus, soit ils appelaient des gens et ils venaient me choper pour mettre des amendes. Moi j'ai pas connu ça, franchement. T'étais un gentil. T'étais un bon lui sans bouteille, vas-y, grave. C'est un bon. Dans un dépôt privé tu peux pas et tu fais pas grève. Déjà, pas comme... Mais ça veut dire quoi de dépôt privé? Parce que moi, pour moi. En fait, une société privée, c'est comme. Oui, ça oui, mais tu bossais pas au tech, non? Si, on travaille pour le tech, mais en société privée. Je savais pas. Eh ben, je découvre un truc. Moi, je pensais que tech, c'était genre national, tranquille, non, société publique. Tech. Oui. À la base. À la base, et ouais. Tu peux avoir des dépôts comme les agences de voyage. Ouais. Je savais pas et je découvre un truc ce soir. Et ben, tu m'as appris un truc. Franchement, je l'ignorais, d'accord. Et ben, comme quoi, dans cette émission. Bon, les amis, installez-vous tranquillement. Il y a pas mal de bons moments. Il y a Dominique. T'as découvert Dominique il y a pas beaucoup, il y a pas très longtemps, toi, Loris. Hier ou avant-hier, je crois. Avant-hier, à mon avis. T'entends le mec comment il pète des câbles, c'est ouf, hein. Ah bah, il y a toute une histoire de lui sur YouTube. Hein. Si tu tapes Dominique sur YouTube, à mon avis, tu... Nickel. Sans la lettre, c'est un peu un moment. Allez, on arrive dans quelques minutes sur Énergie. Soyez les bienvenus en live avec vous, les amis. Et je vous rappelle... Je peux pas faire une petite dédicace. Bah, tu la feras après, Roland. Tranquille, t'es là, t'es avec nous, il y a pas de problème. Le son de Jane avec Alright qui va arriver. Elle vient d'arriver également dans les studios. Véronica, la voyance, s'il vous plaît. Ouais. Envoyez voyance maintenant par SMS au 3018 ou alors sur le WhatsApp 0492 222 002. Ça va, Véronica? Tu vas bien? Mais ton domaine, oui, c'est là, bah, oui, le micro est là. C'est on, oui. Ça va, tu vas bien? Mais oui, super. Je te vois pas, t'es caché par un écran. Attends, je me lève. Ah, je voilà. Je suis petite, ça, toute petite. T'as pris l'avion aujourd'hui? T'es venue en voiture ou en train? J'ai pris l'avion. Oh, madame. J'étais sage. Madame était vivre dans le sud de la France et elle prend l'avion pour venir nous voir. Ça fait plaisir. Bon, t'es prête, Véronica? Oui. T'es prête à tout défourailler?

just really wanna move on. Things gonna be c'est toute l'équipe. Et quoi alors aujourd'hui, ce soir, jusque 4h au matin? Ouais, voilà, on va pas déconner. Non, on va pas déconner. Mollo ce soir. Mollo. Énergie le soir. Oh my god. Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Ah non, mais j'ai pas envie de faire le papy, mais ce soir, voilà, laissez-moi rentrer à la maison! S'il vous plaît, là, bienvenue sur l'énergie, il est 21h37, là, en direct live avec vous. Il y a Thibaut qui est dans la maison. Il y a Eddie qui est dans la maison aussi. Il y a Lara qui est dans la maison. Il y a Nigel qui est dans le jardin. Voilà, dans les jardins suspendus de Paris. Il est parti à Panama, voilà. Il a décidé. Voilà. Les jardins suspendus. Voilà, il nous a quitté ici, depuis Bruxelles, en Belgique, et il est parti là-bas. Ouais. Et ben, que grand bien lui fasse, les amis. Il sera de retour lundi dans les mission tranquillou. On a Véronica qui est dans la maison. Véronica est dans la maison sur Energy. On a Energy. Ça va Véronica alors? La vie est belle du côté de Toulouse? Oui, super belle. C'est quoi cette histoire? Il paraît que tu te fais attaquer la nuit là par des pucerons ou je sais pas quoi. Ah non, avant j'ai dit que j'avais des dossiers pour faire un truc sur Halloween. Ah oui, non mais attendez, émission spéciale Halloween la semaine prochaine les amis. On fait Halloween une semaine avant tout le monde. Hein. Du coup j'ai réussi pendant qu'on écoutait It's Gonna Be Alright. Oh, right. Ouais, j'ai ouais. réussi à négocier avec Véronica que pour jeudi prochain on fasse un truc un peu plus trash que d'habitude parce que je lui dis est-ce que t'es capable de faire... Vas-y, on va avoir cette discussion. Donc Véronica, elle me dit la semaine prochaine c'est Halloween, on le fait en avance le 25. Exactement. C'est jeudi prochain le 25, hein, je précise. Voilà, elle vient faire de la voyance. Alors je dis pour Halloween, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose d'un peu plus trash? Est-ce que tu es capable de voir des choses plus trash? Ouh là là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Et donc, en fait, quand j'ai commencé, j'avais un jeu divinatoire. Et en fait, pour moi, c'était pas, il me donnait pas... satisfaction. Non, c'est pas ça. Normalement, c'est pour la divination, on est d'accord. C'est quoi ça la divination? Quoi ça veut dire quoi, donc, prédire Véronica. L'avenir. D'accord. Ah d'accord, oui. Et en fait, moi, je voyais le parcours en fait, des défunts. Ah, le dans parcours. Ce jeu. J'arrivais pas du tout, en fait, ce jeu me parlait pas, mais je voyais le parcours des défunts. Donc, c'est-à-dire de où ils se trouvaient, s'ils restaient coincés quelque part, s'ils étaient à la lumière, ou s'ils avaient des messages, en fait, à faire passer. Et un jour, j'ai eu un client qui a eu vraiment mal au dos très très fort. Et en fait, chaque fois que je l'avais quand même enlevé ce mal de dos, et quand il rentrait chez lui, à chaque fois, c'était de nouveau reparti. Et donc, j'ai été voir plus loin. Et j'ai dit, mais il y a eu un décès chez toi. Il me dit, oui, mon propriétaire est décédé. Il a eu une crise cardiaque. Et j'ai dit, écoute, pour moi, il est toujours là. Et donc, j'ai été voir plus loin. Il en a parlé à sa propriétaire. Il m'a dit, oui, effectivement, etc. Il est mort d'une crise cardiaque là. J'ai dit, mais je pense qu'il a un message à faire passer. Et donc, j'ai fait ce jeu-là. Et en fait, il lui demandait simplement pardon. il essayait de lui demander pardon parce qu'en fait, le matin, quand elle est partie travailler, ils se sont disputés et lui, il a fait la crise cardiaque à la maison. Oui. Et donc, il est resté coincé là. Et donc après, elle, elle est venue et tout, c'était vraiment... Il s'est coincé là, c'est-à-dire quoi Franchement, mais après quand elle est venue, je lui ai simplement demandé de s'installer, de parler avec lui comme s'il était là, et de dire qu'elle le pardonnait et qu'il pouvait partir, quoi. D'accord. C'est vraiment... En fait, Véronica, c'est Melinda Gordon. Ouais, vraiment. C'est Ghost Whisperer de ouf. Non, mais... C'est un truc que je voulais plus. En plus, ça ressemble. Et Véronica nous a balancé des vidéos, d'ailleurs qu'on publiera la semaine prochaine à son Halloween, des vidéos où il y a son chien qui aboie contre quelque chose, et tout d'un coup, on entend, c'est pas le chien, on entend quelqu'un qui fait... Ouais, c'est abusé. Extrêmement flippant, c'est là où t'habitais avant ça. Ouais. Et depuis elle a déménagé. Elle a déménagé dans le sud de la France, bien loin des fantômes. Maintenant les fantômes ils ont un accent du sud. Non, maintenant ils sont beaucoup plus sympas. C'est vrai, ils sont cool, ah, bah, tant mieux, je suis rassuré. C'est vrai. Et j'ai des nouvelles photos. Ah, des photos de quoi de... Ouais. Oh, Poltergeist. T'as vraiment des photos des... Ouais, mais j'en ai des graves. Avec des manifestations et tout. Des photos, ouais. Arrête, t'as fait photo. Avec des fantômes. Ah, elle a été sur un tuto YouTube Photoshop. Ouais, tu les appelles comme tu veux. C'est grave. Ah, elle a été sur Canva. Laisse-moi la dernière, elle est pas mal. D'accord, ok. Mais montre-la, nous. Elle a appris à utiliser Paint. Non, ce sera pour la soirée Halloween, les amis. Donc retenez l'info la semaine prochaine, le 25 octobre, soirée Halloween, les amis. On va faire ça à l'avance pour fêter vos vacances de Toussaint. Hein. Donc du coup, on va se faire peur. Ouh là là, ça va faire flipper. Ouais. Véronica, c'est Pac-Man. Elle est pourchassée par des fantômes tout le temps. Quelle vie. Et dès qu'elle on va lui donner un fruit, elle va aller bouffer en retour. C'est ouf, c'est ça pas facile. Hein. Magique. Bon, les amis, avec Véronica, aujourd'hui, on a des personnes qui sont là pour passer à l'antenne avec elle. Rapidement, je regarde juste un petit peu sur mon programme. On a MHD avec Akenenta qui va arriver juste après. On aura la friendzone aussi du Dominique ce soir, les amis, puisqu'on va également se passer des moments que vous avez kiffé dans l'émission. Dominique, on l'a eu au téléphone il y a deux jours. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Manon dans le standard. Allô, Manon. Salut! Et en Manon est dans la maison! Ça va, Manon? Oui. Oui, ça va, j'ai un peu perdu ma voix, mais ça va. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perdes ta voix là? Bah, je suis malade. Ah merde, mais il y a beaucoup qui sont malades là pour le moment. Même moi, j'ai un petit peu mal de gorge, j'ai échappé au truc il y a 3 semaines et puis ça y est, ça revient, boum! Bon, Manon, tu as quel âge et tu viens d'où? J'ai 22 ans et je viens de Verdun. De quoi? Des Ardennes. Ah, des Ardennes. Je croyais Everglade. Ah, il fait froid là-bas. Everglade. J'ai pas compris. Eh ben écoute, bienvenue à toi, Véronica. Elle est là et je rappelle, il est important Manon de dire le moins possible. Si jamais t'en dis trop, ça fout tout en l'air. Donc en fait, en gros, tu as juste posé ta question, Véronica, Manon. C'est à vous de jouer. C'est parti, on écoute. Salut Manon. Salut. Je t'écoute. Ben moi, c'était par rapport au boulot. Au boulot. Alors, tu veux voir un peu l'évolution professionnelle? T'entends ma petite musique derrière, tranquille. Oui. D'accord. Mmh. C'est la même? Oui, c'est une musique que t'aimes bien, quoi. Mais quoi, je sais pas, peut-être non, que t'aimes t'en plus. Non, t'en avais trouvé une, super. Oh là là! Ça va, j'ai tapé Astrologic Music ou je sais pas quoi, là. Allez. Eh, c'est quoi, ça, Astrologic? Astrolo... On se croit à Paradise ici. Attends, j'ai des trucs sympas. Vas-y, t'inquiète. On va y arriver. C'est le même délire en fait. C'est des musiques de détente un peu. On va dormir. Oh, bon. On va quitter l'émission plus tôt aujourd'hui. On dirait une musique de reportage avec les dauphins. La sauterelle de Madagascar. Dans les fonds marins, bienvenue dans National Geographic. Discovery Channel. Alors Manon, est-ce que tu viens de finir un contrat ou tu es dans l'attente de la fin d'un contrat? Non. Ok, parce qu'ici, par rapport à un contrat, j'ai... Bah oui, t'es restée longtemps quelque part? Oui. Ah, et tu es toujours là maintenant? Oui. Ok, mais pas pour longtemps. Tu le sais? Je sais pas. Tu le sens? Encore. Il y a quand même pas mal de soucis là-bas. Oui. Je vois beaucoup de divergences d'opinion, il y a mauvaise entente. Et en plus de ça, il y a des problèmes économiques. Ça va. Alors, par rapport au grand patron, hein. D'accord? Ah, d'accord, oui. Alors, lui, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Oui. Et donc, par rapport à son travail, etc., je vois beaucoup de déplacements. Il y a énormément de trahison dans votre boulot. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ils se tirent un peu tous dans les pattes. Ouais. Alors, est-ce qu'ils ont prévu de... Ou vous avez changé de bâtiment ou vous avez prévu de changer de bâtiment par hasard? Ou de faire des transformations? Non, normalement, non. Ok, parce que ici, d'après ce que je vois, il va y avoir une réunion, quelque chose comme ça, où ils vont parler de déménagement. Alors, déménagement, ça veut dire soit changement de locaux, soit une réorganisation. La seule chose, c'est que pour moi, il y a de la justice plus haut par rapport au patron. Et pour moi, il y a des soucis financiers. Pour moi, il était associé avec quelqu'un, ou il y avait quelqu'un dans ce groupe, et ça s'est mal passé. Excusez-moi, je change de style musical. Hein. Ouais, oui. Je t'en prie. Ah là, ça c'est mieux ça. Donc pour moi, c'est pas un travail où tu restes, parce que ça va se dégrader. T'es pas la, spécialement la première concernée, mais il y a un groupe là, ça va pas du tout. Hein. Ouais. Et ça va, ça peut gueuler, mais aller jusqu'aux mains. Hein. Oui. D'accord. Tu vois de qui je parle? Oui, oui, oui. D'accord, ok. Donc, ça, c'est arrivé, cette grosse dispute qui arrive. Maintenant, ton travail, voilà, ça fait... Oui, je vois l'encre, donc ça fait quelque chose qui est bien ancré, mais je te vois plus bien là-bas, c'était pas sereine. Non, je vois un changement, mais tu verras, hein, ça va être... la cassure du boulot, ça va être en un coup. Hein. Moi, je te dis, dans les 5 jours, 5 semaines, 5 mois, mais je les vois plus dans 5 mois. Mm-hmm. D'accord. Et voilà. Est-ce que c'est suffisamment clair pour toi, Manon? Ouais, ouais, ben, c'est vraiment ce qui se passe pour le moment, donc punaise, oui. Eh ben, ça veut dire qu'officiellement, sur Énergie, Véronica a retrouvé ses pouvoirs. Ouais, ça y est, ouais, c'est un miracle. Nigel qui barrait les ondes avec son bide. En fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a des interférences. Voilà, parce qu'en fait, quand Nigel est là, bah, bizarrement, Véronica, elle perd tous ses pouvoirs. À chaque fois qu'il y a une auditrice ou un auditeur passe, c'est non, bah non, pas du tout, c'est pas moi, ça. C'est... voilà, c'est. Et là, tout d'un coup, ça y est, le power est revenu. Et peut-être que l'énergie oui du trio est revenue. Voilà, ça veut dire qu'elle voudra dire ah non, mais je veux plus de Nigel. Et on va sortir de là tout à l'heure, il y aura une musique et tout. Elle va dire non, mais c'est fini, Nigel, je veux plus qu'il soit là. C'est très bien, t'as vu, mes pouvoirs sont revenus et tout. Va sauter sur l'occasion pour plus venir le vendredi. Hein. Ouais, ouais, non, non, mais il sera là, t'inquiète. Attends, je ne mets pas dans le vent. Barrière. Voilà, bon, en tout cas, Manon, il faut bien écouter les conseils de Véronica et fais prendre tes décisions par rapport à ça, ça va? D'accord, ça va. Super, gros bisous. Merci, bisous. Ciao, Manon. Si jamais vous voulez passer avec Véronica, vous envoyez Voyance sur le numéro WhatsApp 0492 222 002. 0492 222 002. Tout simplement, vous envoyez Voyance. Véronica, c'est flippant, je flippe toute seule dans ma voiture, c'est un parking, dans un parking dans le noir. Ah ouais, il y a quelqu'un qui m'a envoyé sa photo. Parking dans le noir, avec une Véronica, avec une putain de musique derrière à la radio. Fais gaffe, tu n'es peut-être pas seule. Et c'est là qu'on balance les photos. Voilà, mais oui, je montre les photos. Ça, c'est jeudi prochain. Voilà, c'est... Non, les photos de Véronica. Oui, ah oui, oh là là, non mais ça, les amis, on va vous envoyer ça sur Instagram, sur Facebook, vous allez voir, grosse émission à Halloween. Hein. Il paraît que Thibaut, il veut faire la table de Ouija en ouais, direct. Non, je suis non, trop chaud de le faire. Si j'ai une table de Ouija, moi, je vais vous dire un truc, on va faire deux studios, on va mettre les deux studios sur antenne, moi je vais dans le mien, vous êtes dans le vôtre. J'y crois pas, mais là, j'ai pas envie d'y croire. Moi, j'ai envie de tester une fois, parce que j'ai des potes qui l'ont déjà testé, ils m'ont dit. Fais gaffe, tu vas vraiment finir roux. Mais quoi, c'est pas une malédiction? Non, mais il faut faire. Non, c'est, très, c'est une bénédiction. C'est dangereux, il paraît, la table non, de Ouija. Non, c'est très, très, très dangereux. Ceux qui connaissent pas les tables de Ouija, c'est la table avec les tables avec les lettres alphabétiques et les chiffres. Avec et lorsque gouttes. Vous posez, voilà, avec un truc d'eau devant, et si, goutte, ouais. Une goutte, voilà, et si vous posez une question, eh ben, il paraît que. Mais il y a toujours quelqu'un qui tire le truc. Ouais, mais comment est-ce qu'il peut connaître la réponse? Ouais, c'est vrai, effectivement. On va hein. Bah, on peut coup, le faire tout seul hein, toi... aussi. Hein. T'es pas obligé d'être à plusieurs. Ouais, j'ai pas envie de faire ça seul, je t'avoue. Non, je crois. Non, c'est nul. Tu peux avoir du monde, mais le tenir seul. Ouais. Ah, ah ouais, toi okay. Même avec le je prête pas mon doigt. D'accord. Et sinon, il y a quelqu'un qui nous dit LMZ, la voyante, elle raconte n'importe quoi. Mais tu peux passer à l'antenne dans vos voyants, si on peut essayer, on aura. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Perso, comme j'ai toujours dit, et Véronica le sait, j'ai toujours du mal à croire en son pouvoir. Mais. Faut bien avouer qu'il y a des moments, elle m'a bluffé, elle m'a mis des claques. Hein. Je me suis dit, mais comment et... Des moments. Plusieurs, beaucoup de moments, c'est vrai, beaucoup de moments. Bon, on a Marine avec nous en standard. Salut Marine. Salut. Yo Marine, dans la maison. Sur Énergie. Marine. Dans la maison. Sur Énergie. Attention Marine, ça va être à toi de jouer. Tu as des questions à poser à Véronica, mais d'abord, voici. MHD. Un petit retour en arrière. Avec Akalenta sur Énergie. Soyez bienvenus, voyance là, par SMS 38 si vous voulez. Plus qu'un pote, c'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, peu rien ne me ferait. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés, on s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir, c'est ton jour, la noce va démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête et c'est clair qu'on pourra se partager. La première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est ton jour. La noce va démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête et c'est clair qu'on pourra se partager. Elle t'a choisi, le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi. C'est à t'ultimer, à quel endroit. Ce soir c'est ton jour, la noce va démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête et c'est clair qu'on pourra se partager. Sur Énergie, c'était l'image de l'instant même. Énergie le soir. Ça se passe avec Vince. Vince, dès 21h. Vince sur Énergie. Et bon week-end tout le monde. Si vous avez jamais envoyé de message à la radio, les amis, et ben il y a pas de problème, vous pouvez le faire le soir là, tous les soirs de la semaine, y compris ce soir, il y a pas de problème. 21h53 là, le numéro de téléphone c'est le suivant: 0492 222 0002. Vous ajoutez ça tranquillement à vos contacts. Vous écrivez Vince Énergie et là-bas vous pouvez envoyer tous les messages que vous voulez. Bon, ça va les selfiteuses là. Il y a tout le monde qui se fait des selfies là dans on l'émission. Je suis en train de faire des selfies, puis je tourne les yeux, puis je vois Thibaut en train de me regarder comme ça. Regardez avec la bouche ouverte et les yeux tout révulsés comme ça. Oh là là, tout mignon là. Ariane est dans la maison. Merci Maximo pour le message là. Il y a Médéric aussi qui est là. Il y a Aline qui le divine. J'ai dit à la mère de ma pote qu'elle vous envoie un message. Faites-la passer s'il vous plaît pour la voyance. Il y a pas de problème. Il suffit d'envoyer voyance comme ça. On sait que vous voulez passer à l'antenne et alors vous pouvez poser des questions que vous voulez. Véronica est avec nous. On a des meilleurs moments d'émission à vous passer là. On a eu Dominique cette semaine. Mais alors là, explosif avec Dominique. Je lui ai fait croire que je voulais cacher un corps entre des planches de bois, lui qui aime bien tout ce qui est bois et tout, et on l'a tenu comme ça pendant une dizaine de minutes et ça a mourir de rire. Ça va être d'ici quelques minutes sur Énergie. On aura également tout à l'heure la friendzone, on aura deux friendzones ce soir là, une très spéciale aussi, le kiff ton frère qui est passé dans l'émission la semaine dernière, enfin non cette semaine là, avec Marion qui a appelé Jordan là, vous savez Marion, ah oui, la Michto. On a découvert pendant le canular que c'était Marion Lamichetot qui nous avait appelé il y a quelques semaines déjà là. C'est une vraie Michetot. Ouais, qui a bien profité des gars là. Voilà, salut. Elle vient d'Arlon, je pense. Marion Lamichetot là, elle était venue un jour dans l'émission d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Elle était venue ici. On ignorait que c'était elle encore avec Marin qu'on salue. Le jour où il y a eu Kenji, je crois qu'elles avaient gagné leur accès pour Kenji ou je sais plus très bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Michetot Life, hein, exactement. Et elle est là comme ça. Et mais je m'appelle Marion et tout. Et tu te rappelles pas de moi, Vince? Et moi je la regarde, je fais, c'est toi Marion Lamichetot? Dans ma tête, je me suis demandé, mais comment elle arrive à michetonner, tu vois? Oh là là, on les salue. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas cool de ma part. Écoute, je prends un peu le côté de Nigel, il est pas là, il est en vacances, tu vois. Vacances, entre guillemets. Vacances pour l'émission, il travaille, il prend de l'avance pour la soirée d'Halloween. Ouais, bah, d'ailleurs, je crois que la marine qu'on a à l'antenne, c'est Marin. Ah bon, arrête! Ah, ouais, le Marin? Si, je pense bien. Ouais, c'est moi! Ah bah voilà, bah, c'est pas bien! Hey, j'ai deux auditeurs, en vérité. Ah bah bravo! C'est deux auditeurs! Ouais, c'est tout. Mais non, et il y a moi qui suis là! Non, mais je sais. Oui, mais tu es. L'autre, c'est Manon. Voilà, et l'autre, c'est Manon, en fait. J'ai deux auditeurs sur Énergie, tu Manon vois. Et Marion. Le problème, c'est qu'on a deux auditeurs, mais ils sont bêtes en plus. Ouais. Ah non! Arrête un peu. Oh là là. Bon, Marine, non, mais t'inquiète pas. Voilà, Nigel est pas là, mais c'est pas pour autant que ça clash plus dans l'émission. Marine, eh ben écoute, ah ouais. Véronica t'écoute, elle est là pour toi, avec une bonne musique de Stranger Things. Pose tes questions. J'adore. Et ne sois pas trop de détails. D'accord, est-ce que je pourrais parler de deux sujets ou pas? Non. Ah, dans deux sujets en rapport avec la voyance ou pas? Oui, bah oui. Bah écoute. Bah oui, deux questions quoi. D'accord, bah ouais, oui, bah voilà, justement, Véronica est là pour ça. Vas-y, on t'écoute. D'accord. Véronica, t'écoute. Alors, pas trop de détails, attention, pas trop de détails, oui, n'oublie oui. pas. D'accord, oui, oui. La première question, c'est j'aimerais bien savoir ce qui va se passer pour moi dans le futur niveau amour. Affectif, avec quelqu'un en particulier? Non, juste, enfin, niveau. Être en couple, quoi, sentimental. Ah ouais, c'est pas donné. Pour une relation stable et durable. Voilà. D'accord. Ok. Alors, nous, on a une anecdote. On connaît quelque chose sur Marine, parce qu'elle nous a rendu... Enfin, Marin, on l'appelle Marin. Elle est venue nous rendre visite dans l'émission. On connaît quelque chose par rapport à elle. Ouais, mais on va pas le dire là. On va pas le dire là. Mais tu sais très bien, Marin. Voilà. Non, on sait pas, elle t'a parlé. On sait que t'es un mec, en fait. On dit rien. Non. Voilà. On va pas envoyer Véronica. On laisse Véronica faire ce qu'il faut. D'abord, c'est en affectif, on y va. Moi, je sais juste qu'elle est venue avec la jambe pétée, c'est tout. Mais voilà, il faut pas le dire, putain. Oh là là. Tu gâches tout, Eddie. Putain. Mais le dis pas, Eddie, on voulait juste voir si. Je vois ce que le rapport. Il y a aucun rapport. Parce que c'est des choses que je peux voir. Mais si, c'est des choses qu'elle peut voir. Véronica, elle peut dire ouais, t'as un problème, t'as eu un accident. Ça ouais. suffit, hein, t'as eu un accident. Elle le dit, c'est le genre de truc, Véronica, elle dit. Taisez-vous. Voilà, on dit rien. Oh. Merci, Eddie. Hein. Laissez la se concentrer. Oh, ok, désolé, ça enferme notre gueule. Bravo, Eddie. Parce que vous voyez rien, que vous pouvez insulter les gens qui voient. Hein. Mais là, Véronica, elle joue au solitaire. Ouais, en fait, Véronica travaille. Moins de cartes. Véronica travaille des cartes qui s'appellent Mademoiselle le Dormant. Le Normand. Je rigole, je te taquine. Mademoiselle le Normand, bien sûr. Félicite. Parce que j'ai mis des années avant de pouvoir le dire. Hein. J'ai toujours dit Madame le Normand ou alors Mademoiselle le Normand. Et t'as remarqué que tous les vendredis, quand tu le dis, on est fiers de toi. Vous avez vu ça, merci. C'est tellement compliqué à retenir. On est fiers de toi. Donc c'est. Joutume. Voilà. Donc c'est des cartes Mademoiselle le Normand. Et ces cartes-là, elle les dispose, elle les interprète et elle donne son interprétation à Marine maintenant. Alors Marine, ça n'a rien à voir avec le sentimental là, mais tu aimes beaucoup tout ce qui est spirituel, hein? Ouais, grave. Je vois que je ne suis pas la première que tu consultes, ou bien tu vas voir beaucoup sur Internet ou la nouvelle technologie. Je vois que tu te renseignes beaucoup, tu aimes bien prendre des infos sur ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, grave. Et d'ailleurs, Alice, ça ne te dérangerait pas d'apprendre? Ouais. Alors, bon, niveau sentimental, il y a une relation qui est fraîche encore, je trouve. C'est dans tes pensées, c'est encore là. Et il y a eu une tierce personne dans cette relation. Oui, oh mon Dieu. Où ça a été secret. Ouais. Ok, il y a eu des hypocrisies, il y a eu un peu de mensonges et style relation cachée aussi. Ouais. Plus de détails, il faut que j'aille. Là, alors, je suis en train de voir. Oui. Ok, attends, je suis. Hey, Véronica est passée à Super Saiyan 3, c'est bien. Ça y est, elle a libéré son potentiel. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu te balancer quelque chose? Tu as appris des choses, des secrets? Parce que je vois que tout est tourné sur des choses cachées. Tu as eu des nouvelles. Bah ouais. Et, ouais, mais là, dis-moi juste oui ou non pour voir si je peux continuer sur ce que je vois. Le truc, c'est qu'il faudrait plus de détails parce que là, il y a deux relations qui me reviennent en tête. Oui, en fait. D'accord. T'inquiète. Je vois. Il y a tellement un micmac d'hommes, de femmes et tout autour de toi, de médisance. Enfin, c'est tout un. On me torture. C'est une partie, là. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose à ton travail au niveau sentimental? Non. Et dans les personnes, en fait, qui sont... Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a eu quelque chose au niveau sentimental caché, mais au boulot. Et comme j'ai énormément de personnages autour, c'est difficile. Ah ouais, je pense... Quelqu'un qui a rencontré quelqu'un ou qui a une relation secrète par rapport au boulot où cette personne venait au travail, où ils étaient dans le même boulot. Donc c'est d'accord. Ouais, c'est mon ancien boulot alors. Ouais, je vois. Ok. D'accord. Donc ça, c'est toi. Que je me repère. D'accord. Tu voulais passer avec Véronica. Mais toi, t'as eu plus. Vous envoyez voyance. Deux relations. 30-18. Mais qui se sont croisées alors ces deux relations? Non. c'était trop proche. Enfin, c'est trop. Les histoires sont trop là-dedans. Tu peux dire quelque chose ou pas? Oui, tu peux me dire. C'est sympa. Ouais, en fait. Je pense, donc là tu es en train de parler de ma dernière relation plus ou moins sérieuse, et puis il y a eu effectivement quelqu'un d'autre après, de moins sérieux, mais je pense que ça se mêle encore parce que c'est encore. C'est frais, donc en fait c'est deux mecs quasiment en même temps, quoi, je veux dire. Pas pour dire, c'était mais dans mes pensées, oui. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que c'est hyper présent, c'est ça que je te disais. Donc, il y a énormément d'informations, donc c'est pour ça que c'est difficile. Mais on te demande de faire un choix. Mais le problème, c'est que tu veux faire un choix. Mais tu n'es pas honnête avec ces personnes-là. Il y a trop de choses cachées, tu le sais. Oui. Et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Non, c'est ça que c'est marrant. Excellent, ouais. Ça a toujours été hyper complexe pour moi. Non, c'est sans horrible. Blague. Ça, c'est les gens qui s'intéressent à la voyance ou qui ont de la spiritualité au niveau affectif, c'est toujours complexe. Ah oui? Oui. Bah oui, vraiment. Est-ce qu'on a pu aiguiller Marine par rapport à tout ça ou pas? Son futur. Voilà. Alors, attention parce qu'on va être coupé par la pub dans une minute, c'est pour ce ça. C'est ce que je lui dis, elle doit prendre une décision. Mais le problème c'est que Marine, elle fonctionne sur la fusion. Elle est fusionnelle, c'est une fille fusionnelle. Elle va voir quelqu'un, elle lui plaît. Et voilà, c'est comme si elle peut être amoureuse, folle amoureuse pendant 3 jours. Et puis après que sa fusion descende et qu'elle rencontre quelqu'un d'autre qui va lui donner exactement plus que l'autre, quoi. C'est dingue, oui. Incroyable. Alors, c'est exactement ça. Eh ben, Marine, est-ce que tu vas approfondir d'autres choses? Dis-moi, parce qu'on a 30 secondes avant d'être coupé là. Mais je veux savoir comment ça va se passer pour moi maintenant. Eh ben, on revient tout de suite. On arrive tout de suite, on en parle dans quelques instants là. Et dites-nous aussi de votre côté les amis, est-ce que vous voulez passer avec Véronica? Eh ben, profitez-en, vous envoyez Voyance sur notre numéro WhatsApp. Il faut ajouter le numéro à vos contacts d'abord. 0492 222 002. On arrive tout de suite, bienvenue. Et attention, on aura Dominique aussi tout à l'heure. Vince, 21h minuit sur Énergie. Abonne-toi à la chaîne Énergie Belgique et découvre toutes les autres vidéos de Vince sur Énergie. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ! Les nommés sont... Votez maintenant pour vos artistes préférés sur energie.be. Les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1. Energy, it music only. The love is never simple, no matter high or low. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. We don't need no drama, don't need problems in my head. We don't need no drama, dance with my body instead. When the night falls on us one by one, we will forget every bit of that drama. Cause we don't need no. talking in a different lingo. You told me your heart broke. You've been reflecting, counting blessings, and now you know. The love is never simple, no matter where it goes. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. Things are never simple. I guess if you don't wanna change your mind, you just gotta let me know. I told you before though. I just wanna dance with you, get involved. Forget all of this drama, it's getting old. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. We don't need no drama, don't need problems in my head. We don't need no drama, dance with my body instead. Tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser! On va tout casser! On va tout casser! Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, bienvenue, j'espère que vous allez bien tranquillou là. Ouh là là! Essoufflé parce que j'ai fait le con avec Thibaut dans les couloirs. Ah! Il a fait le malin avec moi donc du coup je l'ai coursé. Voilà, il n'a pas réussi à m'attraper. Si, si, si, parce que tu t'es retrouvé coincé entre quatre murs là-bas. Là. Ouais, bah quand j'aurai les clés, tu pourras plus. Ouais, bah tu crois ça, tu verras. Bienvenue sur Énergie, là. Il y a Céline qui me dit, Vince, à chaque fois que je vous écoute par hasard au retour de mon boulot, je me prends au jeu et j'écoute, je commence à y prendre goût. Vous êtes follement au top. Eh ben merci Céline, franchement, ton message me fait plaisir. Oui, c'est notre amie qui nous envoyait des messages hier de sa voiture et puis après elle a dit, bon, maintenant je vais rentrer chez moi. C'est une autre Céline. Ah oui, je l'ai différenciée avec des petits noms à chaque fois. Elle, c'est Céline B. Voilà, oui, bah, y a Céline A, Céline B, Céline C, Céline D. Enfin voilà, c'est Céline B, je la remercie. Et je lui fais un gros bisou, merci pour son message. Et puis sinon, on dit à quelle heure pour Dominique? Reste connecté, tu vas voir, ça va arriver. Salut Vince, c'est William, c'est la première fois que je vous écris. Eh ben, bienvenue, William et dans la maison. Merci. C'est à ce moment-là que la reine a profité pour boire. Mais je savais pas que t'allais le faire, t'as vu, j'ai la. C'est pas grave, t'inquiète pas. On va avoir Mario là pour Véronica, Jonathan aussi, Marine et qui va continuer à leur poser une question. Et avant ça, je voulais. Oh, hey, j'ai ma gorge qui prend en sucette là. J'ai failli tousser. Hey, je viens de m'épargner genre 10 minutes. T'as le droit de tousser, non? J'ai failli. Non, mais je te jure, j'ai failli avaler de travers. Allez, en même temps. Tous, là, parce que moi aussi, maintenant, j'ai envie de tousser. Tout le monde a envie de tousser. Oh purée, ça fait du bien. Ouais. On dit toujours quand. C'est qui a fait ce moment-là là? Devine. Ah ben bien sûr. C'est Nas, c'est Lara encore. Bon les amis, bienvenue sur Énergie. Il y a toujours Roland qui est avec nous, avec son fils Laurie. Ça va les amis? Vous aimez bien ce qui se passe? Ouais, là ouais. Ouais. Très bien. C'est intéressant la voyance là avec Véronica. Ouais, hein. Ouais, super. On apprend beaucoup de choses. C'est spécial hein, quand même. J'y crois pas trop, mais. C'est vrai. Bah écoute, moi non plus, j'y crois pas trop, mais pourtant à chaque fois c'est une claque. On peut lui faire. Tu veux lui? Attends, ah bon? Est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée? Je fais un jeu spécial alors. D'accord. What? Ah bon, tu veux faire un truc? What? T'es sûr de toi? Mais on dit rien. Fais le hors antenne. Non, on va le faire hors antenne. Hors antenne. Moi aussi. On va le faire hors antenne. Je pense que ce serait sympa quand même. Hein. Wow, et ben, en live. En live. T'es sûr de toi, Roland? Pardon. Bah, ok, ça va. Dis, Roland, tu voulais faire des dédicaces, toi, il me semble. Oui, je voulais faire une dédicace. Vas-y, bon, t'écoute. Roland, pour ceux qui viennent d'arriver sur Énergie, ils comprennent pas, c'est un auditeur extrêmement fidèle et qui est venu avec Loris, son fils. Voilà, ils vous ont envie de partager un moment ensemble à Énergie. Mais moi, je suis désolé. S'il veut faire des dédicaces, il doit le faire sur la musique des dédicaces. Hein. Ok, ça va. Bien vu. Avec un papier et un bic. Elle a danse aussi. Avec un papier et un bic. Voilà, je voulais faire une dédicace. Tout d'abord à ma petite chérie, elle se reconnaîtra. Ouais, je pense très fort à elle. Elle m'a demandé de remettre son bonjour à tous les auditeurs ici et tous ceux qui travaillent parce qu'elle nous adore. Salut! Elle s'appelle comment? Linda. Linda, oh là là! Quelle Linda! Hey, tu nous as ramené un beau gosse ici, attention Linda. Et pour la grave à le croquer. Ben, oui. Je l'aime et je peux dire qu'une chose. Oui. Je pense tout le temps à elle. Oh, c'est mignon. Et j'ai il est tout timide, il dit ça, mais tu vois, on est en train de rougir, il bouge sur son siège dans tous les sens. On dirait que lui, c'est l'enfant. On dirait trop que c'est l'enfant et que son fils, c'est l'adulte, tu vois. Lui, il est posé comme ça, tranquille, ça va. Je suis blasé. Et toi, Laurie, t'as envie de faire une dédicace à quelqu'un, peut-être? À mon grand-père. Ah, c'est bon, message passé, tranquille. Mignon. Des potes de l'école, peut-être? Toute la classe. C'est quoi? C'est quelle classe? De quelle école? À la 1B de Sainte-Julienne. La 1B de Sainte-Julienne. À Fléron. À Fléron, et eh ben voilà. On salue Sainte-Julienne, à Fléron. Vous êtes beaucoup d'étudiants là-bas ? Dans la classe, on est 24 et ouais. Je crois dans l'école, on est dans les 200 environ. Non, 400, plus de 400. Ah, oui, 400. 400 ouais. Oh, c'est mignon, ça va. Et eh ben, on leur fait un plein de bisous. Merci à Fléron. Des petits élèves par-ci par-là. T'as dit quoi ? Des élèves par-ci par-là. J'ai compris, il y a de tout petits élèves par-ci par-là. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre cette phrase. Écoute, merci Loris. Merci. Bon, c'est quoi, on va tenter là, avec vous la voyance juste après. Là. On va demander, parce que je vous explique, Véronica est capable de nous faire payer aux antennes, c'est pour ça. Voilà, genre, bon, bah, ça va me coûter autant comme ça, faites note de frais. 90 euros. Exactement. Non, j'habite à Toulouse. Ouais. Parle en français. Non, non, moi je dis encore 70, 90. C'est vrai ? Ouais, elle impose, tu vois bien, c'est une chiante, elle impose tout, elle. Hein. Et maintenant, c'est eux qui le disent. Pardon, qu'est-ce qui se passe ? Tu disais quoi ? Il vaut mieux qu'elle impose. D'accord. Ah, l'exercice de la radio. L'exercice de la radio, c'est toujours très mignon. Bon, Véronica, on te reprend. Oui. Là, il y a Marine, elle voudrait te poser une dernière question et après, on va passer à Jonathan et Mario. Vas-y. D'accord. Vas-y Marine. Ok, je voudrais savoir comment ma carrière va se passer. Au niveau professionnel. Oui. T'es encore Marine ? Oui, Marine qu'on appelle Marin, qui a 22 ans. Marine Marin. Ouais, on sait pas pourquoi. Bah, elle aime bien qu'on l'appelle Marin. Elle est bizarre. Bah, c'est mon surnom depuis au moins 10 ans, c'est comme ça. Voilà, c'est comme moi c'est Vince, oui, tu vois, c'est comme ça. Non, c'est pas, elle s'appelle pas Marine Marin, c'est genre... Non, il y en a une qui s'appelle. Oui, il y a certainement une Marine Marin sur le Pen. Oui, oui. Certainement. Mais oui, toi, tu connais, non ? Oui, Le Pen, c'est ça ? Ça va, ouais, mais quand on dit Marin, on sait que c'est moi, quoi. Bah oui, ah, voilà. On sait que c'est toi. On fait la différence. Bon. Ouais, et puis il y a des faux marins aussi. Enfin, il y a des gens qui s'appellent Marin alors que dalle, bon, quoi. Bon, les cartes, elles sont battues ou pas, là ? C'était pas Marin, là. Allez. Alors, est-ce qu'on est bon pour les cartes ? Véronica. 3, 6, 7, ouais, presque. Uno. Donc, effectivement, c'est elle qui a eu l'accident, c'est ça ? Oui. Ok, ça se voit. Il y a eu un arrêt de travail, c'est pour ça ? Ouais. Parce que je vois une rupture de contrat suite à un accident. Donc. Ouais, bah, c'est. Oui, mais c'est un faux contrat. Oui, travaille au black. Je veux dire. Non, mais parce que ici j'ai une rupture de contrat et puis j'ai l'accident. Donc tu vois, si tu me l'avais pas dit. Hein. Oh. Non, oups. Non, mais. Oui. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Dis rien, monde. Marine, dis rien. Vas-y, continue, Véronica. C'est pas elle qui l'a dit. Oui, d'accord. Oui. Oui, c'est toi. Bah, non, c'est alors, à la base, c'est Eddie qui l'a dit. Ton travail te ramène. Enfin, il t'arrange en fait ton travail pour l'instant. C'est ouais. De l'arrangement, hein, d'accord. Donc c'est du dessous de table, quoi. Oh, mais celui-là, mais. Celui de lui. Il y en a un autre plus important. Ouais. D'accord, donc c'est pas le dessous de table que je vois là, c'est non, un autre. Non, celui-là, c'est fini. Celui-là donc c'est ça qui est la rupture. Donc, d'accord. Voilà. Ok. Il y en a un autre là. Ok. Elle est trop. Razonné qui me dit alors... Marin, c'est le nom du père de Nemo. Alors là, t'es sur un projet professionnel, mais avec une autre personne. Ouais. Alors, une autre personne, mais en fait, je en vois deux. Je vois une femme seule veut vous divorcer et je vois un autre. Mais est-ce que ça a à voir avec le bien-être, l'esthétique, la santé ou quelque chose comme ça ? Non, pas du tout. Parce que je pas vous... du tout, du tout. Et la personne qui avec qui t'as proposé ça, elle n'était pas là-dedans ? Avec qui t'en as parlé ou quoi ? Parce que tu parles beaucoup, je... hein ? Ouais. Ouais, et pas les bonnes personnes. Et attention, ça je voulais te le dire à l'autre jeu, c'est que tu te confies à des amis que tu dois pas. Ça se répète et c'est pour ça que je te demandais si les secrets n'avaient pas été révélés. Je reviens là-dessus parce que je devais te le dire, parce qu'il y a des balances. Donc, dans son entourage proche ? Des copines. Des copines. Ah. Bon, c'est tout ce qu'il sait. C'est Misto. Bon, c'est tout ce qu'il sait qui balance, hein, à mon avis. Oh. Ça... Donc, c'est sa pote à qui elle est venue. Mais non, pas elle. Oh, alors, tu sais, c'est des gens dont on dit pas lui que. Niveau professionnel. Alors, oui. Écoute ce que je te dis. Par rapport à un projet professionnel, ici, je vois un prochain contrat pour toi. D'accord ? Tu vas pas rester longtemps avec cette histoire-là. Mais par contre, il y a quelque chose qui te tient à cœur ou que tu as envie de faire. Mais il manque les finances par rapport à ce projet. Ouais, effectivement. D'accord. Alors, tu vas voir deux personnes avec qui tu vas avoir affaire. Une personne seule veut vous divorcer, qui est une femme, qui est très secrète, etc. et tout. Et un autre homme qui est un peu plus haut placé. Mais je vois que cette femme, elle est dans le domaine médical ou bien-être ou dans la, dans tout ce qui est esthétique, quelque chose comme ça, ou dans ou sportif. Voilà, c'est dans le domaine. C'est quand même large. Hein. Mais c'est large parce que c'est la carte de l'arbre et l'arbre représente la santé, représente la psychologie. Représente ma bite. Pardon, excusez-moi. Tu l'as mal placé. Il y a Nigel, qui est venu en moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Une petite pousse. Je me suis transformé en Nigel tout d'un coup là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est un peu grossi là. Ouais, grave, ouais, c'est ça. Je trouvais que ça manquait de Nigel et tout d'un coup il s'est retrouvé dans mon corps. C'était une sensation très bizarre. Ça a fait bizarre. Donc Marine, cette personne-là. Marine, ces personnes-là, parce que sinon on va parler de cul toute la soirée. Alors, ces personnes-là, fais attention, d'accord ? Ne t'engage pas dans. Ne signe rien, ne t'emballe pas, parce que toi, tu es une fonceuse. Et c'est, je vais m'arrêter là. Tu es une fonceuse et tu dois faire vraiment attention. Voilà, Marine. À ça. Ok, Marine. Oh, putain. Ah, oula, pression. Alors, est-ce que tu te reconnais dans la description de Véronica, du coup, en conclusion, là ? Mais ouais, blindé, mais j'ai du mal avec les personnes autour de moi. Là. J'ai trop de gens autour de moi. Mais viens en consultation alors. Vas-y, va jusqu'à Toulouse. Non, je suis ici pendant 15 jours. Ah, mais à l'aise, pas de soucis. Moi, j'adore là. Si ah, mais. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Oui, oui mais. Je vais revenir en studio, hein. Bah, écoute, écoute, il y a une soirée Halloween, effectivement. Maintenant, on va pas demander à des auditeurs de venir quand il y a une table de Ouija, ça fout de la merde. Après, mais on nous a. Mais si, vas-y. Vas-y, moi j'ai déjà joué, ça a fonctionné, donc il n'y a pas de soucis. Ça s'entend. Ça m'étonne. Ça va. Eh ben, écoute, je te passe Eddy, tu négocies avec lui, ça va ? Allez, ça va. Ouais, allez, d'accord. Allez, ça. Bisous, bisous, Marine. Allez, salut, Marine. Bonne merde, Eddy. Bonne merde. On a Jonathan qui est là. Salut, Jonathan. Hello, l'équipe. Jonathan de la maison. Jonathan, on va d'abord faire le son de Clara Luciani avec La Grenade, et puis tu vas discuter avec Véronica. Ça marche pour toi ? Ça marche. Eh ben, ça marche pour nous. Let's go. Clara Luciani. Et toi ? Bravo Lara. On nous dit, et quoi, vous êtes en direct le vendredi ou pas ? Bah, ou tu lis pas les messages ? Bah si, je suis en direct. Et toi ? Bienvenue. On arrive. Qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme qui se touche ? Non, c'est pas vrai. Suis-moi dans la ville blafarde. Et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang la grenade. Sous mon sang la regarde. Sous mon sang la grenade. Prends garde sous mon sang la grenade. Sous mon sang la regarde. Sous mon sang la grenade. Et toi, mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal. Je pourrais te blesser, oui. Dans la nuit qui frissonne. Prends garde sous mon sang là. Sous mon sang la grenade. soir dès 21h. Vince est sur Énergie. Allez, welcome sur Énergie. Vince dans la... Ah, voilà qui fait plaisir. Non, mais on est bien en direct. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas en live et tout. Non, non, si, si, on est en live. Le vendredi, on est toujours là. On passe des bons moments de la semaine que vous avez aimé, que vous nous redemandez et tout ça sur le WhatsApp. Mais vous inquiétez pas, on est bien en direct. Et salutations à toi, Damien. Merci. Qui nous a écrit un message pour la première fois. Il est cuisinier, voilà. Et je vous le dis direct, je ne mettrai rien dans le cul, moi, de mon côté. Mort de rire. Vous déchirez, continuez. Bon, le salut. Et Damien, parce que ça, c'est un Damien qui est cuisinier. Un autre Damien qui est cuisinier aussi. Lui, il arrête pas de mettre des trucs dans le cul. Il m'a déjà envoyé les photos. Je sais ce qu'il a mis dans son cul aujourd'hui. Ah ouais? On va faire le jeu tout à l'heure. Pas tout de suite. On va laisser le temps. Vince, que je peux aussi faire une consultation avec Véronica. C'est quoi ton Facebook, Véronica, ou ton Instagram? Dis-nous tout. Alors, en espérant que tu n'aies plus qu'une page et pas six pages différentes encore. Le problème, c'est que je ne sais plus rajouter personne. Donc on est obligé de se mettre en abonné. En abonné, ouais, bah, c'est pas grave, on s'abonne. C'est quoi là? Il faut s'abonner à quoi là? Véronica espace VS. Ok, Véronica VS, tout simplement. Hein. Véronica VS. VS pour voyance. Voyable. Véronica. Stéphanie Zizi, c'est ton nom, Véronica. Oui, mais vas-y, balance. Bah, je le dis, vas-y, tape Véronica Voyance, on tombe sur ton nom, excuse-moi. Hein. Je sais pas si t'as déjà essayé sur Google. Si, plein de fois. Bah voilà. Elle s'est googlisée. Et alors. Ouais, bon. Et vas-y, continue. Instaastro.veronica. Et Snap Astro Véronica. D'accord, Astro Véronica sur Snap. Astro.Véronica sur Insta. Et Véronica VS sur Facebook. T'as pas envie d'uniformiser le tout comme moi, Vince Radio, c'est pour tout la même chose. C'est super compliqué. Parce que je suis unique, quoi. Ok, ça va. Très bien. Non, non, mais pas. C'est impossible. Mais si, on va faire. Bon, c'est pas grave. Véronica VS, tout simplement. Jonathan qui est avec nous. Allô, Jonathan. Est-ce que ça va, Jonathan? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien. Jonathan, bienvenue à toi sur Énergie. J'attends 15 secondes avant de continuer cette émission parce que je vais lire les messages. Je les anticipe, ils vont arriver sur le WhatsApp dans 10 secondes. Dans 10 secondes, ils arrivent sur le WhatsApp, les messages. Ah ouais, non, mais je le sens. Hein. Je le sens. Attention. T'es voyant maintenant aussi. Non, mais il y a un truc, j'ai une habitude dans cette émission, c'est que... Voilà, oui, Lara. 22h22. Merci Ludo. Oui, 22h22. Merci Serena, merci Jonathan. 6h miroir. Voilà, il y en a plein qui nous envoient 22h22. Hein. Ah, il y a un message, une note vocale, je sais pas si c'est en rapport avec ça. Oula, il y a de la musique dans cette note vocale. Attention, ça s'appelle les heures miroirs. Les heures miroirs. D'accord. Qui ont une signification. Oh. Attention. Quoi 22h22, 22 secondes. Hey, vous êtes vraiment des toqués, quoi. 22h22, Vince est dans la maison. Hey, merci. Et tous les auditeurs, à chaque fois qu'il est 22h22, vous envoyez ça en masse et ça fait plaisir sur le WhatsApp. 0492 222 002. Ajoutez le numéro dans vos contacts et vous pouvez nous parler sur WhatsApp. Mais Véronica, elle vient de dire les heures miroirs ou je sais pas quoi. Ça veut dire quoi, ça, en fait? J'étais déjà en train de regarder sur lien. Wikipédia. Ah, désolé, on recommence. Bon, les amis, Jonathan. C'est bon, t'inquiète pas, on a compris le miroir, hein, parce que 22, enfin on a compris le délire du miroir, t'inquiète. Non mais, Véronica, t'es vraiment très bien. Tu veux pas la signification? Si, je veux bien. Mais en fait, je voudrais d'abord que tu me dises que t'es pas fâché sur moi, là, c'était une blague, hein. De quoi? Ah, ok, pardon. Non, mais parce que moi, je veux pas que Véronica soit fâchée sur moi. Hein. Non, t'inquiète pas, elle est fâchée sur Nigel, juste. Ah oui, mais bon, ça, il y a des raisons. Nigel, il a pas de respect. Oui, il est venu légumier depuis Nigel. Bon. Il mange des légumes de Damien. Nigel. Ouais. Alors, Véronica, t'as trouvé la signification ou pas? Oui, je t'envoie. Parce qu'on n'est pas en radio locale, tu vois, ça doit aller vite. Non, non, mais après, je te l'envoie, tu nous diras après. Ça va, je vous dirai c'est quoi après les heures miroirs, tranquillou. Bon, il n'y a pas de problème. C'est marrant, hein. Attention, Véronica. J'adore. Et y a plein de messages qui arrivent. Merci à Arnaud de Bishop qui nous écoute là. À toi et tes dédicaces, à mon bonjour. Arnaud D, bisous à lui. Merci d'être là. Merci, mon loulou. Bon, Véronica, Jonathan, pose toutes tes questions à Véronica. C'est parti. Ben, tout d'abord, bonsoir Véronica. Bonsoir. Voilà, en fait, moi j'ai un projet et j'aimerais savoir comment ça va se passer avec ce projet pour la suite, quoi. Si, enfin, j'en dis pas plus. Ok, quoi. D'accord. Hé. Hey. Oh. Hey. Contre nous. Oh, le nouveau son de Manon. Hé. Hey. En fait, je pensais que Véronica m'envoyait les significations des mots miroirs. Elle l'a posté. Mais mise à côté de en fait, elle m'a envoyé sa pub avec son voucher moins 15 euros. La mala. Oh là là. J'adore parce que Véronica, son slogan, c'est une médium, une voyante, pas comme les autres. C'est vrai, évidemment. Elle est unique. Alors, bon. Putain, mais c'est super long l'explication des trucs miroirs là. Mais bref, 22h22, c'est. Voilà, c'est juste chouette, c'est tout. 22h22, voilà. Pour enfin, une tout. Signification. Bon, enfin. Jonathan. Ça, c'est mes diplômes. Ah oui, bah écoute. Il faut battre les cartes, Mademoiselle Normand. Enfin, il faut pas battre Madame Mademoiselle Normand, mais il faut battre les cartes. On y va. Alors. Je suis relou ce soir, je suis lourd un peu. J'adore. What? Alors, ça a toujours été compliqué, hein, le professionnel, hein, pour toi. Je vois énormément de coupures, perte d'argent. Ça s'est mis aussi dans ta vie affective aussi par rapport à le professionnel. Oui. T'es toujours en fait, même par rapport à ce projet ou un autre, disons que tu avances, t'as des bonnes idées, etc., mais ça se conclut pas. Ou tu tombes sur des personnes, je veux dire, qui vont te faire perdre de l'argent ou qui vont plus jamais t'appeler. Effectivement, c'est bien ça. Donc, le projet professionnel que je vois actuellement et qui pourrait vraiment être quelque chose bien ancré, une bonne réussite, etc. Mais tu en as parlé à une tierce personne qui devrait appuyer ce projet. Qui est-elle? Oui, c'est ta très bonne amie à moi. Eh bien, je te déconseille fortement de te voir. Mais trop tard, il en a parlé. Non, de t'associer. Pas d'en parler, de s'associer. Elle le déconseille de. Je te déconseille d'en parler à ton copain. Ah, c'est déjà fait. Ah, bah merde alors. De s'associer. De s'associer. Ce qui est différent de parler. Bien sûr, bien sûr. D'accord. On est d'accord. Alors, du coup. Alors, non, sincèrement. Je te déconseille de t'associer. Ah bah c'est déjà fait, bah merde, c'est bon. Vas-y, oh, je vous laisse continuer, excusez-moi. Pourquoi? Parce que je vois la trahison au niveau financier. Oh. D'accord. Et tu le connais en plus depuis longtemps quand même, hein? Ouais, depuis qu'on est tout petit. Mais justement, sincèrement, ne brise pas une amitié parce que de toute façon, travailler avec des amis, etc. et tout, c'est vraiment quelque chose de... De très, très difficile. Au début, c'est chouette, hein, mais après, il faut marcher sur des œufs. Donc, financièrement, je vois vraiment des trahisons. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas quelqu'un de bien, mais à cause de ce projet, il a plus de moyens que toi. Ah, d'accord. OK. Donc, voilà, tu serais soumis. Je ne pense pas que tu es la personne qui a envie de se soumettre. Non, je ne suis pas quelqu'un de soumis. Voilà. Et quel dommage. Ce serait... Il n'y a pas de problème. Hein, pour Lara, tout d'un coup, il se fout par terre. Pour Lara, il creuse même. Et tu peux te poser une question, Jonathan. Est-ce que tu es en rupture? J'ai eu une rupture il y a quand même quelques années, mais qui m'a énormément affecté. Donc, effectivement. Oui, bon, ça, c'est tous les êtres humains. Ça. Non, mais c'est fort présent. Mais tu l'as pas revu ou t'as pas entendu des nouvelles récemment de cette personne? J'ai un contact qui a passé autant que ça avec, ouais, mais je vais dire ça en plus. Quoi. Ouais. Ok, c'est parce que c'était pertinent, c'était là. Ouais. Et en plus, pour bien conclure la chose, c'était une voyante. Ah. Eh ben dis donc. Et tu l'as pas vu venir. Oh. Et ben je pense. Ah oui. Celle-là. Ça c'est mais... clair. Si le standard peut donner mes coordonnées à Jonathan, comme ça, je lui donnerai quelques... Oui, parce que c'est compliqué, Véronica VS, ça se trouve voyant, ça se trouve... Non, mais parce qu'il y a des choses qu'elle voit qu'elle ne peut pas dire nécessairement. Ah, c'est privé, c'est méga privé, là. Ouais. Ah, c'est délicat. Parce que tu n'as pas l'impression que il y a certains cycles et toujours pratiquement les mêmes périodes, les choses se bloquent dans ta vie. Elle lui a jeté un sort. Voilà. Vaudouisme. Elle lui a jeté un sort ou pas? Je n'en dirai pas. Ça veut dire oui. Véronica VS Sauve. Si avec une personne en plus. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ça a l'air d'être très sérieux. Ouais. Jonathan, au standard téléphonique, ça a l'air d'être très. Donc tu écoutes mes conseils. Hein. Tu ne fais rien avec cette personne et pour l'instant, au niveau projet professionnel, ne signe rien et ne te lance dans rien. Je t'expliquerai pourquoi. D'accord, ça marche. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bisous. Au revoir Jonathan, bonne soirée. Ne raccroche pas, n'oublie pas, moins 15% sur la session de Véronica. Véronica, non, mais c'est important. Non mais c'est vrai, j'ai cru comprendre. On a Mario qui est là, salut Mario.

what they don't know, no, no, is we don't care. We're gonna keep it on going till we can't go no more. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. Yeah. Sur Énergie. Allez, Vince, c'est dans la maison. Bon week-end tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tranquille, courage à ceux qui travaillent là actuellement pendant le week-end. Et n'oubliez pas, si jamais vous voulez participer à l'émission, simplement interagir avec ce qui se passe dans l'émission, que ce soit aujourd'hui ou alors du lundi jusqu'au jeudi. Techniquement, on est là du lundi jusqu'au vendredi. 21h, minuit et plus c'est affinité, puisque hier c'était 2h du matin. Et ben n'oubliez pas un numéro, un seul, qui est lequel, Thibaut? Le 0492 222 002. Je l'ai noté juste là pour pas l'oublier. C'est en fait pratique, hein. Tu peux le dire autrement aussi. Comment tu pourrais le dire autrement? Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude de mettre des centaines 0492 2222. Mais non. 002. Le 22 20 02, tu vois. 0492 22 20 02. Ouais, parce que tu sais qu'il y a des gens qui bug quand tu... Quand par exemple ton numéro de téléphone, tu divises les 6 derniers chiffres en deux parties. Ah ouais, mais c'est plus facile la manière dont tu le dis, toi. Le 0492-222-002. Ouais, ouais, c'est plus facile. Ah ok, bon, très bien, bah, allez-y. Si hein. Le dis, enfin, en tout cas mieux. Pour moi, ouais. J'ai déjà des problèmes. Ajoutez ça à vos contacts, les amis, et puis vous pouvez envoyer un message. Et Antonin qui lui dit salut, ça va Antonin, merci. Salut Vince, vous déchirez tout. Ta voyante a une voix trop craquante. C'est vrai, mais tu sais ce que je me disais, merci. C'est que le jour où tu veux plus faire de la voyance. Téléphone rose. Ah, mais de dingue. Ah, bah alors là, c'est déjà un peu ça. Hein. Mais oui. Salut, je me nomme Duyout et je suis une mascotte pour les footballeurs de 8 ans. Je vous écoute le plus possible et j'aurais aimé un coucou de la part de toute l'équipe. AS Glin U8 de la part de leur Youyout. Bah, le message est passé. Hey Youyout, t'es dans la maison. Bonjour, premier message et je vous écoute tous les soirs depuis 3 mois. Continuer comme ça. Alors attention, on a démarré il y a un mois et demi, mais peut-être que tu écoutes maintenant le soir depuis 3 mois. On a démarré quasiment presque il y a 2 mois maintenant. Hein. Ouais. Le 27 août, on a commencé. Oui. Alors, ouais, et c'est ouais, Moss. Ouais. J'utilise le numéro de ma mère. Ah, mais attends, est-ce qu'on peut alors du coup t'ajouter ou pas toi qui viens d'envoyer ce message. Ou est-ce que ta mère n'est pas au courant que tu envoies des messages avec WhatsApp? Vince, moi aussi j'ai des questions pour Véronica, ce qu'on m'a envoyé. Il y a plein de nouveaux là ce soir. Hein. Oui, ça rajoute une dimension à la radio. J'ai installé WhatsApp ce soir pour tester avec vous. Eh ben, envoie une note vocale. Super. Parce que regardez, on fait un truc qui est trop fort dans la radio. Vous pouvez le faire avec nous. Il suffit d'envoyer une note vocale. Allez-y, si vous avez le numéro, envoyez une note vocale. On est les premiers sur le coup. Hein. Ouais, bon, ben non, tout le monde ça, va pomper, mais. Oui, mais c'est vrai que personne ne l'avait fait avant. Mais c'est. Laisse tomber, on se marre trop. Ouais, complètement, mais non, mais pendant l'émission, laisse tomber. On pourrait faire toute une émission autour de. Des notes vocales. Des notes vocales, mais complètement. Envoyez une note vocale, allez-y. Vous écrivez un truc, vous enregistrez, vous me l'envoyez. Vin, c'est quoi le sujet aujourd'hui? On a Dominique dans quelques instants. Nous sommes dans un petit délire de voyance, mesdames et messieurs. Oh oui, avec. Alors, j'adore parce que j'avais trouvé une petite musique bien sympa, mais je crois que je vais mettre un truc qui fait un peu flipper. Tu vois, genre ça. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'adore quand ça fait flipper comme ça. Ah non, tu sais quoi, je vais remettre Stranger Things, il était bien Stranger Things. Ouais, j'aimais bien aussi. Ouais, voilà. On ressent la situation. On ressent la pesanteur, tu vois. On ressent la puissance de la puissance atmosphérique. Ah ben, notre vocal arrive. Ouh là là. Salut, c'est Youyout. Un grand merci à toi, Vince, pour le petit message que tu as fait de ma part. Et un gros bisou à mes 8. Bisous à tous. Youyout est dans la maison. Hey, bisous, bisous Youyout et bisous à tes U8 là, tes U8 du football, là, les jeunes qui ont 8 ans là. Lison, qu'est-ce qui se passe Lison? Je voulais parler à Véronica, sauf qu'en fait je voulais savoir si j'allais m'en sortir en gros. Je suis encore jeune hein. Et si je voulais m'en sortir par rapport à un truc. Oula. Et voilà. Je voulais juste savoir ça. C'est vrai qu'elle n'a pas donné beaucoup d'infos, c'est le principe hein, Lison, t'as bien raison. Est-ce que ça peut fonctionner avec des notes vocales, Véronica? Pour faire avec toi, je me pose la question. Mm-hmm. Bien sûr, okay. Je travaille avec la voix. Ah d'accord, ok. Ah, tu dois faire ton WhatsApp. Hein. Provide par Vince. Hein. Ouais, complètement. Orlando, qu'est-ce qui se passe, Orlando? WhatsApp. Hey, Zou. 3h du mat. 3h du mat. Non, pas ce soir. Hier, on a fait 2h15, c'était suffisant. Merci, c'est gentil. Julien, ça dit quoi, Julien? Patrouilleur de la night qui travaille dur ce soir. Yeah, yeah. Courage, les amis. Courage à ceux qui bossent tard le soir, là. Mais Mounir, ton téléphone est parti en sucette. Damien, oulala encore. Alors Véronica va-t-elle découvrir l'aliment de ce soir? Ah oui, parce qu'il a mis un truc dans son cul. On va faire ça juste après Mario. Mario, est-ce que tu nous entends, Mario? Je suis là. Super Mario, tu as parlé, Super tu as posé. Oh là là, bon. Je vais te jeter un truc dans la face, c'est pas possible. Bon, Mario, t'as déjà posé ta question. C'est en amour, Véronica a déjà fait les cartes. Eh ben c'est parti, Véronica. Avant ça, un petit message de Patrick, je suis sûr que je vais rigoler. Attention, je mets play, on y va. Do, voici une note, do. Note vocale, do, une note, do. Wow, bravo. Je savais, merci Patrick. Vous avez une phase. Okay, vas-y Véronica, à toi de jouer, c'est parti, on t'écoute. Alors Mario, donc tu m'as posé la question si tu allais rencontrer quelqu'un, non, plutôt ta vie affective, dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, oui, c'est ça, ouais. Ce que j'en sors, moi, c'est que y a plusieurs femmes hein, autour de toi, d'accord. Niveau affectif, c'est un peu compliqué chez toi. Hein. Les femmes, elles te rendent folle. Hein. Ce qui veut dire fou. Oui, non, oui, elles te rendent fou. Oui, oui, voilà, ouais. Elles te rendent fou. Elles t'ont pas séquestré, là, parce que... Quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par plusieurs femmes autour de moi? Mais je vois que tu as eu... Alors, il y a eu plusieurs femmes, mais il y a eu beaucoup d'histoires et tout dans le passé par rapport à des autres rencontres que tu as eues. Ouais, ça a joué, non, c'est... D'accord. Oui, ça a été un peu compliqué, va dire, ça, oui. D'accord, je veux dire, la dernière relation que j'ai eue était un peu compliquée, ça, oui, ça, c'est vrai, voilà, ouais. Ok, il y avait beaucoup de jalousie aussi par rapport à quelqu'un d'autre aussi, d'après ce que je peux voir. Ah, peut-être, oui. Ouais. Donc, par rapport à ce qui se passe dans le futur, c'est comme si tu avais prévu ou il y a une invitation qui doit se faire ou qui se profile à l'occasion, avec quelqu'un en particulier. Vous pouvez répéter la question. Quelqu'un que tu connais. Une invitation donc, qui va arriver de ma part ou de sa part, éventuellement à elle. Il y a une organisation qui va se faire avec une personne que tu connais déjà. Tu penses à quelqu'un? Tu penses à plusieurs? Pas précisément, oui. Enfin, oui, voilà, oui. Ben, disons que... comment? Putain, chien. C'est le pire. Aussi. C'est une personne qui t'a pu donner de nouvelles pendant un certain temps. Il y a des coupures de nouvelles. Ah oui, voilà, oui, peut-être, oui. Sinon, okay. Je vais dire, j'ai plusieurs personnes, je vais dire, en tête, oui, mais bon. C'est des commerçantes, on va dire. Donc, je me demande si c'est pas, je vais dire... Alors, je t'explique. Je vais t'arrêter parce qu'il y a trop de conquêtes. Il y a trop de conquêtes. Et tu es... Tu galopes vers l'amour, ok, mais... Je vois qu'il galope, dès qu'il voit une meuf, il galope dessus, à mon avis. Il veut du sexe. Oh, ouais, je crois qu'il est chaud, en fait. Des hein. commerçantes, je... Ouais, il y a des vendeurs. Est-ce que tu dragues des commerçantes en rue, parfois, Mario? Non, du tout. Justement, je suis plutôt quelqu'un de très réservé, quelqu'un de très timide, quoi que... Je veux dire, quelqu'un de très timide, quoi. Ah d'accord, ok. Est-ce que tu suis des femmes en cachette? Non, du tout. Est-ce que d'accord? J'ai rangé mon impair. Ah d'accord, tu ne t'es jamais branlé sur des personnes en public, on est d'accord. Non. Alors Véro, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous Véro, ça part en fourrie avec Lara, qu'est-ce qui se passe Véro? Il dit je suis timide ou humide? Ah, oui, c'est l'histoire de l'impair. Non mais t'as l'air chaud Mario, t'es chaud oui, non? Mais oui, il est chaud patin. C'est un italien. Ouais, c'est un italien, c'est ça. Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Moi, je suis italienne. Ouais, s'il vous plaît, c'est quoi ces clichés, là? S'il vous plaît, non, mais attendez. Un séducteur. Non, ça, sincèrement, parce que c'est un peu... voilà. Qu'est-ce que tu vois, Véronica? Ben, ce que je vois, c'est que, voilà, il est sur plusieurs tableaux, c'est quelqu'un qui ne sait pas se stabiliser non plus. Il est vite pris par les femmes et puis il s'en lasse aussi. Donc, tu as toujours recours un peu aux mêmes situations. Tu vis un peu toujours les mêmes histoires d'amour, quoi. Donc, oui, ça c'est vrai, oui, depuis une dizaine d'années. Voilà. Quoi, il est kidnappé, il est dans la cave. Pardon, excusez-moi. Ouais, mais t'as pas vu un truc comme la séquestration, je sais pas quoi, là? Quoi? Je rigole. Ah. Ah. Ah, des fois tu rigoles, ouais. Sache qu'avec toi, je rigole toujours. Ça va alors. Et je sais pourquoi. Oh, merde. Décidément. Elle fait dire que vous faites du Inception en live, là. Allez, on continue. Donc, en fait, la personne à qui il pense et qu'il aimerait aller plus loin avec cette personne, c'est une femme avec qui il n'a plus eu de nouvelles depuis un certain temps. Et pour moi, il y a eu des coupures de nouvelles. Et cette femme, il n'arrive pas à savoir, en fait, qu'est-ce qu'elle pense vraiment. Ils ont eu déjà quelque chose entre eux. Et puis, ils ont dû se voir. Mais pour finir, l'invitation, ce n'est pas faite. Est-ce que tu vois de qui je parle? Oui, je pense, oui. Voilà. Il a trop et c'est quelqu'un pour moi que tu connais depuis le printemps, où vous avez été en contact au printemps, quelque chose comme ça, et puis après, il y a eu des coupures cet été. En fait, quand tu me parles, je vais dire, ben voilà, d'une invitation qui ne t'est pas faite ou quoi que ce soit, je pense, je vais dire, à une ex-copine à moi, mais où on s'est toujours vu, je vais dire, assez régulièrement, quoi. Oui, mais vous aviez déjà passé quelques mois sans donner de nouvelles. Elle a déjà déserté. Voilà, oui. Dans le passé, je vais dire. Et là, elle est en rupture. Voilà, c'est ça, oui. Qui date bien un an d'ici, oui. Elle est en rupture. Mais tu vas avoir des nouvelles de cette personne. La seule chose, c'est que c'est une relation, en fait, qui est basée un peu fusionnelle sur le physique, etc. Mais à long terme, on dirait qu'elle ne peut pas te donner une relation stable et durable parce que toi, tu n'es pas stable aussi et elle non plus. Honnêtement. Ouais, voilà. Elle vit dans le passé. Elle vit dans le passé, toujours avec des ex, des histoires d'avant. Est-ce que c'est assez clair? Ça, je veux dire, mais c'est pour ça que justement, d'où ma question, parce que justement, je sais très bien qu'avec elle, justement. Mais c'est ça qui ressort, Mario. Je peux pas te dire quelque chose qui va pas. Moi, je peux pas aller plus loin, tu vois. Je vois pas quelque chose de stable et durable maintenant, parce que t'as encore ça à vivre. Voilà. Donc, il y aurait, je vais dire, rien de plus, rien de nouveau avec une autre personne, je vais dire. Pas une autre personne que tu ne connais pas. Et arrête de les séquestrer, Mario, ok, d'accord? Ouais, ça va. Voilà, bisous, Mario. À bientôt. Merci. Bisous, Mario. Au revoir, ouais. Bisous pour toi, mon pote. Oh là là, et c'est incroyable. Oh là là, et on me demande Dominique. Dominique va arriver, vous inquiétez pas. Voyons, c'est la dernière personne, Céline. Allô, bonsoir, Céline. Allô? Yo, Céline est dans la maison! Céline, on va très bien ma chérie, bienvenue à toi, tu viens de quelle ville, dis-nous? Eh bien écoutez, je suis tout près de chez vous, je viens d'Evere. Evere, Bruxelles. Ah oui, c'est vraiment à côté de chez nous, on est sur la chaussée de Louvain, c'est pratique, c'est très bien ça. Eh bien Céline, elle est là pour toi, Véronica, elle t'écoute, pose ta question et après on écoute tout ce qui se passe avec les cartes que Véronica interprète après le son de DJ Snake, ça marche? Ça marche. Super, vas-y, on écoute ta question, vas-y, pose ta question. Tu n'en dis pas trop. Alors ma question... Pas trop de détails. Ok, ça va. Ma aucun question détail. Serait... Ça va. Ma question serait, qu'en est-il au niveau professionnel? Voilà, tout simplement. Dans l'évolution professionnelle, c'est ça? Voilà. Ok. Eh bien, c'est parfait. Et ça arrive juste après DJ Snake avec Selena Gomez. Cardi B aussi. Voici Taki Taki. Et bienvenue sur Énergie. Let's go. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Aquí. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie gets on. Báilame como si fuera última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Votre soirée démarre dès 21h. Sois sur énergie. Kiki, do you love me? Are you fighting? Vince est sur énergie. Exactement, bienvenue sur énergie et merci les amis pour tous vos messages là, c'est super cool. Il y en a vraiment encore plein le vendredi soir. C'est le début du week-end et profitez-en, mettez-vous bien le week-end, relax, on décompresse un petit peu et courage à tous ceux qui travaillent ce soir et qui travaillent également pendant le week-end, que ce soit les policiers qui nous écoutent, les pompiers, les taximans, les chauffeurs Uber, les chauffeurs de bus aussi, on vous salue. Les infirmières. Aussi de nuit, c'est vrai, les aides-soignantes, hein, on en a une à l'antenne hier, tellement gentille. Ouais. Et un message d'une personne qui nous a jamais envoyé de message, il a commencé par une note vocale. Dédicace à personne, fallait être là. Excellent ça. Bonsoir à l'équipe, bonsoir à toi. Les agents de sécu aussi, merci Diego de le préciser là. Dis-nous, c'est qui travaille là ce soir là. Je veux savoir un petit peu qui bosse actuellement là en ce moment et dans quel domaine. Venez nous raconter tout là. Julien est connecté. On en parle ou Mario, il a pas toutes les frites dans le même sachet là. Bah si, si, il séquestre des personnes juste. Salut Vince, dis-moi, je voulais. Ouais, pour la voyante. Oui. Tu sais lui demander si elle sait, si elle a pas une vision pour voir est-ce que j'ai une couille ou deux couilles, juste pour savoir si elle sait. Alors Véronica, la réponse c'est combien? Vas-y, réponds, t'inquiète. Hein. Un wash and go, deux en un. Un wash and go, deux en un. Ah oui, c'est spécial, hein, n'est-ce pas? Super, salut, une super émission aujourd'hui. Autre. D'accord. Ah bon? Non, mais t'imagines, c'est la réalité. Salut Vince, moi c'est Anaïs, mais mon surnom c'est Ninis. PS dédicace à mon homme Florian que j'aime très fort. Et bisous à toute l'équipe Énergie, vous déchirez. Merci, c'est gentil. Edwin Perez aussi qui est connecté là ce soir. Raja là qui est là. Damien qui arrête pas de m'envoyer des photos. Oui, merci Damien, t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Salut l'équipe, merci de nous t'aider réveillés au travail. Mettez du Joule l'équipe, c'est vendredi. À jamais. Oh, c'est pas puisque c'est vendredi qu'on va forcément mettre du Joule. Hein. Pourquoi pas? Peut-être dans Extravadance si je suis de bonne humeur. D'ailleurs, j'ai invité Ben Smith ce soir dans mon Extravadance d'une heure. Voilà, juste après l'émission. Mais ça commence avec moi de minuit jusqu'à 1h30 et puis après ce sera lui au platine. Les patrouilles Securitas travaillent en écoutant énergie. Ah ça c'est bon ça. Ah ouais. Et puisque nous avons notre amie Véronica qui a un bon de réduction de 15% si vous la contactez, hein, je précise. Elle a un code promo. Non mais c'est vrai, c'est très sérieux, elle a un code promo vraiment. Et ben figurez-vous que du côté de Manga Bruxelles ce dimanche est moins de 15% sur tout. Voilà, je tenais à le préciser. Vous faites la concurrence à Véronica ? Du coup, bah, ça n'a rien à voir en même temps, c'est pas le même domaine. Là. Sauf certains mangas, il y a un petit délire avec la voyance là, mais en attendant, non. Céline, tu m'entends Céline ? Oui, je t'entends très bien. Ah, formidable. Céline, elle est là pour toi Véronica, elle a battu les cartes, elle les a installées. Alors, Céline, juste une chose. Je vais aller directement au sujet. J'ai perdu ta voix entre temps, donc tu me diras si c'est juste ou pas, parce que c'est important. C'est très possible bien. Qu'il y a eu une faille, d'accord ? Alors, okay. Y a un boulot actuellement, d'accord ? Oui. Où il y a eu beaucoup de disputes, d'accord ? Y a un homme là-dedans. Et il y a eu trahison dans le boulot, et c'est quelqu'un qui est pas sympa du tout. Sympa ? Sympa. De Noël, pardon. Pas actuellement. Ok. Là, maintenant, ça se passe très, très bien. D'accord. C'est ton ancien boulot qui a eu ça ? Oui, c'est à mon ancien boulot, oui. Mais il y a eu des répercussions que c'est autant marqué dans ton jeu ? Des répercussions, bah, ça a changé ma vie, donc je me suis installée en tant qu'indépendante après. Donc, non, mais, ok, dis pas trop. Ok, d'accord. Ok. Mais par rapport à ça, c'est parce que ça ressortait très très fort et je ne savais pas, comme j'ai perdu le son de ta voix, je savais pas du tout si c'est ça en fait qui t'a pris la décision de partir en fait. Oui, c'est d'accord. Ça. D'accord. Ok. Alors on est bon. Alors au niveau professionnel, d'accord. Est-ce que tu es, je vois un grand bâtiment. Ok, j'ai un grand bâtiment, donc ça peut être un immeuble ou un studio, quelque chose comme ça. Je vois du monde. Mm-hmm. Ok, j'ai du monde qui vient. J'ai le domaine aussi, de nouveau, je vais être un peu large, esthétique, bien-être, santé, quelque chose de... Parce que je vois qu'on paye aussi par des petites sommes d'argent, des choses comme ça. Est-ce que c'est ça ? Alors non, pas du tout. Allez, désolée. Vas-y, dis-moi. Désolée. Alors moi, je suis dans le monde du digital, donc j'ai créé un mouvement qui s'appelle DigiWo, qui aide les femmes en particulier à s'intéresser au monde digital et aux nouvelles technologies. Et en parallèle, je crée des formations sur les nouvelles technologies en ligne. Ok. Et c'est pour les femmes, d'accord. Mais est-ce que ces femmes, c'est pas un réseau bien spécial ? La plupart des femmes qui viennent vers toi ? Il y en a de toutes sortes. Qu'est-ce que tu as le plus ? Des féministes. Ouais, mais qu'est-ce que tu as de plus de leur métier, de leur savoir, etc. ? Parce que c'est pour ça que je t'explique. Ah, c'est des. C'est plus des, voilà, des femmes politiques, des commissaires européennes. Donc, rien à voir. Ok, tu vois pourquoi. Ok, ouais, Véronica est en train de rebattre les cartes parce qu'en fait, il s'est passé quoi, En fait, je vous expliquais. C'est-à-dire que, parce qu'elle explique avec ses mots, mais pendant que. Donc, elle a battu les cartes. Ouais. Et en fait, quand il y a eu la coupure, c'est Céline. Il y a eu on a monté le son de la musique. C'est Céline, Céline. Céline qu'elle s'appelle, ouais. On a monté le son de la musique et en fait, Véronica était une demi-seconde, genre un peu déconcentrée dans son. Ah, c'est. Elle l'a dit directement. Ah, ben, c'est ma faute. Non. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok, bah, c'est comme. Ouais, bah plus de musique, voilà. Voilà. Non, mais parce que c'est que. Mais non. C'est bon, non, je mettrai plus des, non, des trucs. Non, je vais mettre du NASA. Non, tiens, voilà. Ça va, t'inquiète, je vais remettre de la musique. C'est bon, genre, on se remet dans le contexte. Ah merde, j'espère que le fait d'avoir mis NASA, ça va pas de nouveau perturber Véronique. Non, Mais non, c'est parce que. Non, c'est quand on a fait la pause. D'accord. C'est à ce moment-là. La pause pub et tout, la musique et tout. C'est pour ça que je l'ai prévenue qu'il y a eu une coupure. Elle a été déconnectée un peu de. C'est sûr que quand tu bats les cartes et après tu dois revenir dessus. Ou revenir dessus, ouais. Vous me connaissez, j'ai toujours dur à y croire, mais. Voilà. Oh, je te taquine, Véronica. Oui, je sais. On se connaît, toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Alors, bon. Par rapport à ce que tu fais, tu as une très très bonne réussite, hein, d'accord ? Disons que ton projet, il est vraiment bon. Il y a des gens qui vont revenir vers toi pour genre être associé, etc. et tout, rentrer dedans. Ce qui est surtout un monsieur, un homme, d'accord ? Ça peut te porter préjudice. Fais attention parce qu'on essaie de te piquer, en fait, carrément de te voler ton concept, d'accord ? Ah, mais oui. Allez, même s'il est protégé, même si, voilà, on essaie de faire du copyright quand même, quoi. Tu vois ce que Il y a plein de Oui, il y a plein de mouvements qui se font par rapport à ça. Il y a énormément de... Donc, je me sens pas du tout copiée. Mm-hmm. On a effectivement une équipe de 5 personnes. Mm-hmm. J'ai une équipe de 5 personnes et dont c'est que des hommes. Et je m'entends très, très bien avec eux. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Bien s'entendre, c'est une chose, hein, d'accord. Après, je veux dire, on peut bien s'entendre avec des personnes. Moi, je te dis ce que je vois, d'accord. D'accord, okay, très bien. De toute façon, il y a quelqu'un qui va venir te faire une proposition qui est beaucoup plus importante, d'accord. Donc, un contrat. Il va venir te discuter avec toi. C'est bientôt, d'accord. C'est encore pendant la période de l'automne. Donc, je dirais entre maintenant et 28 jours, ok. Donc, cette personne va venir vers toi avec une proposition à te faire par rapport aux nouvelles technologies, donc médias, Internet, etc. Et pour moi, tu vas te mettre un peu en retrait par rapport à ça, d'accord. Parce que tu ne vas pas le sentir, le type-là. Mais pour moi, c'est quelqu'un de positif, d'accord. La seule chose, c'est qu'il y a un budget à ça. Il y a un très gros budget à ça. Et lui, personnellement, ne l'a pas vraiment. Mais il a l'idée. Très bien. OK. Et pour moi, ça pourra se faire à terme, déjà, enfin, pour l'hiver prochain, au moins. OK. Et c'est quelque chose de très, très, très bien. Mais on me dit encore, protège-toi, parce qu'il y a énormément d'enfantillage autour de toi. Peut-être que tu ne le vois pas. Tu restes une femme peut-être. Dans un groupe d'hommes, autour des hommes. Et il y a beaucoup des trucs, des gamineries, quoi. Alors, des hypocrisies vis-à-vis de toi. Donc, fais attention. Je te demande vraiment de faire attention. Ça roule, Céline. Mais c'est très bon pour toi. Eh bien, super. On te fait un gros bisou, Céline. Bisous Céline. Bisous à vous. Bonne soirée. Merci. Salut. Et gentil, bisous. Et Véronica, tu peux demander aux fantômes de rester chez eux parce qu'il y a nos écrans qui sont en train de clignoter. C'est pas une blague, c'est très sérieux. Ton écran aussi s'éteint. Il vient de s'éteindre. Mais c'est pas une blague. Je vous promets, mon écran ici devant moi, il s'éteint. Il y a des mauvaises ondes ici. Et il y a l'écran derrière Eddie, il s'éteint aussi de temps en temps. C'est parce que tu te fous de moi. Et là, il vient de. Mais je te promets, viens voir. Mais viens. Mais il vient de trembler. Mais vous arrêtez pas de rigoler depuis là tout à l'heure. Non. Je vous dis pas, mes écrans devant moi, ils clignotent. Non, je te jure, j'ai rien comme ça depuis là tout à l'heure sur la tête de ma fille. Regarde, je fais rien. Je te jure, je fais rien. Mais parce que tu rigoles de ça. Non, mais du coup, il y a moins que je change de place. Ouais, parce que là c'est extrêmement flippant ce qui est en train de se passer. Je vous jure, il y a nos écrans qui tremblent. Je me mords. Ils sont pas contents. Arrête de rire des fantômes, Vince. Ouais, grave. Ah, regarde, t'as manqué. Voilà. C'est ça s'allume. Ah, je regarde les 10. Ah, le mien aussi, c'était à chaque fois. Putain, les gars, je pense que la seule solution, c'est. Taper SOS fantôme. Merci Véronica qui est avec nous ce soir. Bravo. Merci à vous. Bisous. On arrive tout de suite, Iso, sur Énergie. Bienvenue. Véronica. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Facebook, V-I-N-Z. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ! Assistez à la soirée événement. Partez à Cannes, assistez au Energy Music Awards avec la phrase Energy. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Energy Belgique ou sur energy.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Energy. Je veux assister au Energy Music Awards à Cannes. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes. Energy. Hit music only. It's 4 a.m. I don't know where to go. Everywhere is closed. I should just go home, yeah. My feet are taking me to your front door. I know I shouldn't go. Heaven only knows that the side effect of my loneliness is you. I try to mix decision making with one too many drinks. But ooh, if late night friends have come. time, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressin'. Draw the line, I'm out of line. Time should've taught me the lesson. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressin'. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressin'. Draw the line, I'm out of line. 21h minuit. Vince. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. Exactement, Vince, c'est dans la maison. Bienvenue sur Énergie, 23h06, pardon, excusez-moi, je rajoute un 1 de trop. Je voulais te remercier, Véronica, mais merci à toi qui étais avec nous ce soir. Merci. Merci à vous. Merci bien. C'est toujours un plaisir. Exceptionnel, vraiment, à chaque fois tu nous vends du rêve. Et comment on fait pour te joindre encore sur Facebook, Véronica VS? Oui, Véronica VS, Insta, Astro Véronica, et sur Snap, Astro Véronica. C'est aussi simple que ça, les amis, et puis tu seras de retour avec nous la semaine prochaine pour la soirée spéciale Halloween. Avec plaisir. Avec une table de Ouija, alors. This is Halloween, this is ouais. Halloween, Halloween. Tu ramènes la table de Ouija, vraiment? Ah ouais, mais... Oh putain. Avec les petits avec anges des, et tout. Des anges, hein. Tu veux pas des oui. tables... Ouais, non, un truc cool, avec plaisir, et franchement. Et on fait des protections. Hein. Eh ben, ça marche, super. Comme tu veux. On fait ça comme ça. Bon, et les amis... Déguisé. Allez, déguisé aussi. Ouais, non, ah ça, oui. On va le faire. On va faire jusqu'au bout. On va décolorer le. Ah, on va, terrible. On va faire l'émission publique. Ça va être très cool. T'inquiète pas. Super. Et on te déguisera pas en oignon, promis. Voilà. On taquine avec ça. Non, c'était quoi? Une endive. Ouais, c'est pareil, c'est la même chose. Allez, Lizzo avec Boys sur Énergie tout de suite. On a Dominique. Go d'envoi, s'il vous plaît. Ouais. Et le kiff ton frère, ça va arriver. Marion qui appelle Jordan. Bienvenue sur Énergie. Le numéro, c'est le 0. Ou, j'allais dire 0800. Oui, il y a le 0800 pour nous appeler gratuitement. 0800-23456. Mais le numéro principal, c'est 0 402-222-002. Ah merde, j'ai coupé le son. Non, voilà, j'ai déconné, j'ai coupé le son. C'est pas grave, j'en démarre la musique. Ah, parfois je fais des conneries, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le week-end en même temps. J'ai envie de jouer à la PS, à FIFA, quoi. Il m'attend en FIFA, je dois m'entraîner en plus. Lizzo, bienvenue. Hey boy, what you say boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone boy, is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, ay papi. Baby, I don't need you, I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 plus 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it, I heard you a freak too. That's right. What's 2 plus 2? Énergie, passez l'information qu'il se passe des trucs de ouf le soir, du lundi au vendredi. Et le vendredi soir, normalement, on vous passe des chouettes moments. Mais finalement, on a fait que du live. Hein. C'était chouette, hein, Thibaut. Hein. On est d'accord, hein. T'as kiffé. Ouais, grave. En plus, je viens de signer mon premier autographe. Je suis grave content. Thibaut, il est chaud. Moi, je suis famous maintenant. Ouais, t'as kiffé. Hein. Instagram, grain de sel, allez, rajoutez-moi. Ça y est, ils sont pâles. C'est quoi ton Insta? Parce qu'il est tellement compliqué que tu prends pas de, ouais, de followers. Bah, je vais changer de nom, mais grain, comme un grain. _2_say SEYL. Tu sais quoi, je vais dédicacer tous ceux qui vont t'ajouter. Passe-moi ton téléphone. Vas-y. Ah, vas-y. Attention, Instagram, à vous de jouer, les amis. Dominique Godembois, c'est tout de suite. Oui, ça arrive. Ça va arriver là. Donc soyez au taquet. Alors, je vais sur ton Instagram. Qui va ajouter grain de sel? Alors, il y a un jeu de mots avec grain de sel, quoi. Donc, c'est GRAIN _ DE _ SEYL. C'est bien ça, hein? D'accord, alors voyons. Ah, il y a Adrien DPT qui vient de te suivre. Yeah. Il y a. Eh ben, il est le seul à te suivre. Ouais, bah, pas mal, c'est déjà pas mal. Ça t'as vu, il y en a un seul qui t'a suivi. Ah, va liker ma photo du coup. Et c'est pas des. Ah, il y a Mademoiselle _ Bob qui vient de te suivre. Il y a Sixelum qui vient de te suivre. Rémi D. Rémi Dassler. Rémi Dassler. J'espère que j'ai bien dit. Bon, il y a Rémi, quoi. Dassler, ouais. Il y a Stéphane. Merci Stéphane, désolé Rémi d'avoir massacré le nom. Fabien également, Ramakers, qui vient de follow. J'en remets un jour. Il y a Comprote. Crompote. Non, Crompote, hein. Ouais, bah t'as dit Compote. Mais j'ai dit Cromont, tu vois, Crom, c'est pas grave, c'est la même chose. Il y a Gilles également. Il y a Florian. Il y a Manon. Il y a Sim. Il y a Antoine. Et il y a Zlatine 13 qui vient de follow. Il y a également Louis qui vient de follow. Louis Plateau. Il y a Alim et Gilles, tu triches. Tu fais un follow, refollow là. Voilà. Eh, mais t'as vu, t'as du monde qui t'a ajouté là. Ça ouais, fait plaisir, c'est non pas mal. C'est cool ça. Bon, allez, c'est parti, les amis. Voici tout de suite ce que vous attendez depuis un bon moment. Dominique, fait tourner l'info. Filmez votre radio et tout ce que vous avez filmé avec Dominique, vous le mettez en story Instagram et vous mentionnez Vince Radio. Comme ça, moi, je vous republie. Merci à tous. On y va. C'est parti. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Salut la team. Je veux trop entendre Dominique. Eh ben les amis, ça va être maintenant. Waouh. Concentration totale. Oui, nous allons téléphoner à Dominique. Ça fait un mois, plus d'un mois qu'on l'a plus là. Hein. Ouais. On va essayer. On va essayer de le joindre. En espérant qu'il décroche. C'est parti, Nigel. Nigel, c'est lui qui lance les appels en fait. Yeah. Et j'espère qu'il décroche. Il décrochait avec Eddie au standard. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, bonsoir. C'est Jacques Parquet, l'appareil. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle pour un petit renseignement, s'il vous plaît. Ouais, je t'écoute, Jacques. Voilà, je vous explique. En fait, j'ai un chalet en bois dans les Ardennes. Et en fait, je vais bientôt me débarrasser de ma maison. Donc voilà. Et c'est pour savoir si par hasard, il était possible d'effectuer un petit déménagement, si vous voyez ce que je veux dire. Bah en fait, nous, on déménage pas. Hein. Nous, on est des vide-greniers. Hein. Donc, après le déménagement ensemble, nous, on vient. Hein. Donc, moi, j'ai avec ma camionnette, avec Stéphane, mon beau-frère. Et alors, nous, on prend tout ce que toi, tu ne veux pas prendre. Hein. Je vais dire un vieux bahut, une déchetterie, un vieux truc à papy, des bavards, quoi, tu vois. Moi, j'embarque tout ça. D'accord. On est spécialisé dans ce qui est beau. Mais nous, on ne déménage pas. Hein. Je ne suis pas équipé pour déménager, moi. Hein. On est deux, nous. Hein. Enfin, parce que je suis amical, mon bon, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien, mais du coup, c'est un peu compliqué parce que, en soi, il y a pas grand chose à déménager. Il y a quasiment que du bois. C'est mon chalet, c'est tout le chalet en fait. C'est des, voilà. Ouais, mais c'est Jacques qui pense, c'est ça. Hein. Ouais, Jacques Parquet, ouais. Ouais, Jacques. Le problème, c'est que moi, je vais pas venir pour déménager pour, tu vois, pour déjà, moi, j'ai. Une camionnette, mais pas un grand camion. Moi, c'est vraiment après le déménagement, tu m'appelles, tu me dis écoute, Tom, voilà, il me reste ça, est-ce que tu peux le prendre? Non, Dominique, moi, je viens. Dominique, je peux t'appeler Dom, c'est bon? Ouais, c'est mon prénom. Ah, mais je t'explique, Dom. En fait, je veux me débarrasser de toute la maison carrément. Comment ça? Bah, en fait, voilà, tu vois, c'est un chalet en bois complet et voilà, ma femme était là-bas en vacances et. Ouais, elle était avec mon meilleur ami. Donc, voilà. Depuis, mon meilleur ami, il a disparu, tu vois ce que je veux dire. Donc, je voudrais me débarrasser de tout. Tout ce qui est en planche, tu vois. Tout ce qui est en bois. Tout ce qui est... Bah, j'ai pas compris ton histoire. Hein. Là, par exemple, il y a le chalet. Il faut enlever tout le matériel en bois du chalet. Tu prends tout. Faut tout prendre. Ce qu'il y a dedans? Ce qu'il y a dedans, il y a aussi une boîte, c'est bon pour toi. Il y a une boîte. Attends, ça fait combien ce truc, putain? 1m80 plus ou moins de long. 75 kilos, attends, tu prends. Tu veux que je prenne, en fait, j'ai compris, toi tu veux déménager, mais tu veux rien prendre. Tu veux que moi je prends tout, quoi. Moi je veux que tu prennes tout. Prends toute la maison. C'est du bois, tu fais ce que tu veux, tu la casses, tu la pètes. Bon, ça va, c'est 10 mètres carrés, c'est pas beaucoup, mais par contre, il y a vraiment une boîte en bois, je veux que tu la prennes. 1m80 de long, plus ou moins, 75 kilos. Si tu as un truc qui bouge dedans, c'est. Ouais. C'est quoi comme matière de bois, ça? Bon, écoute, je sais pas, ce qui est sûr, c'est que c'est très raide, hein, donc. C'est du chêne, ça? Ouais, ça doit être du chêne, j'en sais rien, moi, c'est du bois qui vient du bricot. C'est du chêne? Ouais, j'en sais trop rien, mais. Ouais, écoute, moi, à la limite, je peux venir. Venir voir, hein. Moi, ça me. T'es hein. Disponible maintenant? Maintenant quand? Bah, maintenant. Bah, t'es fou, toi, maintenant, je rentre chez moi, hein. Je crée, moi, hein. Je pense que j'ai besoin. Je suis prêt à bien payer. Écoute, je t'explique, je suis prêt à bien payer. Voilà. Ma femme et mon meilleur ami, ils étaient là-dedans, tu vois. Donc, si t'as compris. Bah, je comprends pas. Il faut, je t'explique. Je comprends pas, en fait. Je t'explique. Ma femme était là-bas dans le chalet avec mon meilleur ami. Et j'ai paniqué, écoute, je suis parti en couille. Je lui ai pété sa gueule, je leur ai pété leur gueule. Et voilà. Ouais, et mais j'ai rien à voir avec ça, moi. Hein, non, bien sûr, t'as rien à voir. Mais donc, t'étais au courant de rien, tu viens prendre la planche, la putain de planche en bois d'un mètre 80 long, plus ou moins 75 kilos. Il y en a une deuxième, 50 kilos. Ouais, mais il y a qui dans le chalet, en fait? Personne. Plus personne maintenant. Ils sont plus là. Ah, t'as réglé des histoires, hein. Moi, je viens pas ici au milieu de ma. Non, tu vides, tu prends moi, juste. Je suis pas ici, hein. Moi, je viens avec ma camionnette avec Stéphane. Je dis, Stéphane, tu prends telle boîte, il monte dans la camionnette, moi, je reprends la camionnette, je pars, hein. Tu prends la camionnette, tu peux prendre la maison avec, tu la démontes, tu prends. Mais, moi, il y a les deux boîtes. C'est deux boîtes en bois. Il y a deux. Maisons. Ma maison dans les chalets, mon chalet en bois dans les Ardennes. Moi, je veux que tu récupères juste les deux boîtes. C'est une blague, quoi, ce que t'es en train de me dire. Non, c'est très sérieux. Mais je prends ta maison en bois. Moi, j'ai reçu ton numéro de Michel du café de Serein. Il m'a dit que t'étais quelqu'un de confiance. De base, moi, je viens de Marseille, on est dans le nord de l'Espagne, tu vois. Mais voilà. De Mich? Oui, de Mich. Ouah, ça me tombe de ça. Ah, si. Bref. Voilà. Bref. Mais t'inquiète pas, il y a deux personnes, t'as compris, il y a deux personnes dans les. Tu as des commodes et tout ça, ça c'est bon, hein, ça pour l'argent. Hein. Bah, en sachant que mon ex n'était pas commode, je peux te dire que oui, elle est là, elle est disponible. Ça c'est sûr. Ah, ça c'est top, ça se vend super sur les brocantes. Ouais, ça. Ah bah tant mieux. Ça c'est vraiment le top. Tant mieux. Ah, ok, mais alors moi ce que je propose, hein. Mais il faut t'en débarrasser, des deux boîtes avec les corps dedans, hein. Les quoi? Il faut t'en débarrasser des deux boîtes avec les corps dedans, hein. Ils sont raides, comme le bois. Ah, il y a quoi dedans? Il y a deux corps, quoi. Des corps, tu vois, des corps. Des corps. Ouais, des corps. Je vais pas te faire un dessin, t'as compris, quoi? Ah non, j'ai pas compris. Moi, je prends les boîtes. Dans les boîtes, il y a ma femme et mon meilleur ami. C'est clair, maintenant? Bah, te taper sur ta tête, toi. Hey, c'est une blague, quoi! Non, c'est pas une blague, et on m'a dit que t'étais un gars qui était fait pour ça, donc. T'es malade, toi, quoi! Bah, quoi? Et on m'a dit que tu traînais dans les. Voilà, donc moi je t'appelle voilà, pour un service. Écoute, t'as rien entendu, allô? Non, mais non, il a raccroché! Non, putain, je voulais pas qu'il raccroche maintenant! Ah, on l'appelle tout de suite! Ah, t'es trop il a fallu le temps qu'il comprenne, le mec, hein! Ah, putain! Attends, vas-y. Bon, Lara, t'es le corps encore en vie. Hein. Oui, allô? Bon, écoute, finalement, il n'y aura plus qu'un corps parce que. Oh merde! Hey, t'en cours pas, quoi! T'as là... Attends, ferme ta gueule, toi! Tiens! Bon, tu viens quand chercher les boîtes? Mais t'es tapé, toi, quoi? Mais comment ça? T'es malade, hein, tu veux qu'on fasse des sauces en tôle? Ah, moi, je suis pas complice de tes conneries, hein! Mais non, mais ça va, y a pas de problème, t'inquiète. Oh, mais ta gueule, toi! Mais c'est personne, c'est mon ex, c'est. Voilà, c'est. Eh mon gars, c'est pas quelque chose que tu pourrais regretter à faire. Mais écoute-moi, c'est bon. J'étais en taule à l'antenne, moi, et crois-moi bien que ça fait pas plaisir. Hein. Et surtout pas derrière, hein. T'as pas des couilles, hein. Ça non, va? Non, bah, j'espère pour toi que c'est pas une blague. Hein. Non, mais non. Mais... Si c'est sérieux, quand tu viendras, elle sera raide. C'est quelque chose que tu pourrais regretter. Hein. Viens, et je vais pas regretter, t'inquiète, quand elle sera là. Quand tu viens. Ta gueule! Taper, toi, mou, j'étais malade. Ta gueule! Oh, mais merde, il a accroché, putain! Eh, attends, une dernière fois, on le rappelle. Vite. Oh putain. Et tu vas placer Gogo dans le bois. Ouais. Allez. Elle peut pas parler. Oui, allô. Eh, c'est bon, elle peut plus parler, je lui ai mis un truc en bouche. Eh, arrête d'en plaire, toi, ça

Mais j'en peux rien, c'est lui qui part comme ça. Je lui ai jamais rien demandé, hein. C'est lui qui m'a toujours tout payé. Comment tu fais, Jean-Pierre? En tout cas, elle vient de griller qu'il y a un mec qui s'appelle Jordan et qui deal de la beuh à l'école. Je vais balancer à son école. Je suis désolé, mais là. Ah non. Ah non, mais là, c'est abusé quand même. Tout seul. Non, mais c'est interdit par la loi. À un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village, là, bordel. Non, mais ils vendent tous les trucs que tu vends en magasin, là. Ouais. Les beuh. Ils vendent ça, c'est. Ouais, il fait les trucs autour, ouais, là, qui vont. Incroyable. Attends, Marion, on le rappelle, on est dans la blague, hein, mais. Ah ouais, mais toi, tu n'as aucune hésitation, le pauvre. C'est le pauvre, parce que moi, ça me fait mal au cœur pour Jordan, hein. Oui. C'est horrible. Donc, on précise, Marion est une grosse chouin. Ouais, non, mais Marion, c'est pas cool ce que tu fais. Ah, vraiment? Mais nous, on est complices. Allô? Non, non, c'est pire que ça. Ouais? Quoi? On va lui dire c'est une blague. Mais mec, pourquoi tu raccroches en fait? Non, le pauvre, quoi. Parce que tu me dis, écoute, tu veux s'exagérer, bordel de merde. Parce que t'assumes pas que t'es une pute, que toi t'as non, pas. Non, je passe, continue. Ne parle pas comme ça, c'est toi ton problème, bon Dieu, mais je te fais quoi de mal? Marion est dans une blague, en fait elle le piège, hein, mais. Mais toi, t'es qui, bordel de merde, grosse, tu fais vraiment trop la tréhasse, c'est exagéré, mais tout le monde part sur ta gueule, c'est que. Putain, j'ai jamais vu. Tu pars sur ma gueule, waouh, bien, et t'es encore un gamin à croire que ce que les gens disent sur ma gueule, en fait. Mais non, t'inquiète pas, là je vois des gens. Les gens, t'as pas de personnel, non, mais elle est méchante! T'as encore à l'école? Et alors, c'est le problème. Et toi, tu fais quoi? T'as 18 ans, tu fais quoi? Tu fais juste la course pichetot de quoi? Enfin, je sais pas. Moi, je profite de la vie. T'as pas d'honneur. Moi, je profite de la vie. On met des doigts, je prends de l'argent. T'as filerté avec ça, gros. C'est quoi? Enfin, tu fais quoi? Oh, on t'a jamais éduqué ou quoi? Tu sais pas te défendre, c'est pas ma faute. On t'a jamais éduqué ou quoi? Mais t'es ouf, toi. Non, mais mine de rien, il a du répondant, il a raison. Hein. Ouais. Bah, à l'aise, bah ouais, je parle de communication, on t'a jamais éduqué. Bah, ouais, mais c'est quoi le rapport? Alors, je gagne mon argent comme je peux, c'est tout. Oui, bon, bah non, c'est pas très légal. Bon, je vais m'en. On s'en mêle, hein, parce que. Ouais. C'est un minimum. Jordan! Allez, ouais. Jordan! Allô, salut Jordan! Ouais. Salut, ça va Jordan? Ouais, c'est qui? Ouais, je suis un pote à Marion, moi. Enfin, un pote. C'est une connaissance vite fait. Voilà. Non, mais tu veux quoi? Bah, en fait, c'était pour t'annoncer que c'était une blague en direct sur Énergie. Ouais. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Et welcome sur Énergie, les amis. Attention, c'est pas terminé, puisqu'on va se faire un petit délire là dans quelques instants. Là, il y a la friendzone qui va arriver. On a également des petits moments avec le bébé, je les connais. Ça va toujours, Thibaut, tranquille? Ouais, moi, super, tranquille. Je vois que tout le monde a déserté le studio, en fait. Ouais, bon, ça va, ah, c'est vendredi. Il y a qui reste, hein. Exactement, c'est ça, on est entre nous, là. Merci pour vos messages, là. Il y en a plein qui sont arrivés, là. Vince, bah attends, j'ai entendu ce moment. Il me semble, ouais, c'était mardi que ça s'est passé dans l'émission, puisque le vendredi, on est semi-live et en même temps, on vous passe des moments sympas que vous avez kiffé dans l'émission. Et c'est avec plaisir, d'ailleurs, puisque c'est des trucs que vous demandez-vous d'ailleurs, et donc du coup on essaie de les caler un maximum le vendredi. On n'aura jamais l'occasion de tout vous jouer, hein, pour être très honnête, hein. Il y a eu tellement de trucs qui sont passés là pendant la semaine que voilà, c'est compliqué, il faut faire un choix, mais en tout cas on a essayé de vous mettre des trucs qui sont drôles. Là, Noah qui lui dédicace à Théo qui a la jambe dans le plâtre, et ben le pauvre Théo, là, courage à lui. Et un message d'Eric là, ça dit quoi Eric? Ouais, salut Vin, salut l'équipe. Je sais pas, il se passe un truc bizarre là, mais j'ai l'impression que l'émission que j'écoute, ouais, c'est que je l'ai entendu hier. Mais non, c'était mardi. Je fais des voyages dans le temps ou... Qu'est-ce qui se passe? Allez, bonne soirée les gars. Et c'est trop fort parce qu'en fait, ça s'est passé genre mardi. Pour vous, c'est comme si ça s'était passé hier. J'adore, ça veut dire que l'émission va très vite avec vous, hein, avec nous en tout cas. Et bah tant mieux que vous kiffiez comme ça la vibe. N'oubliez pas les amis, si jamais vous voulez vous écrire, envoyez un petit message là, 0492 222 002. Avant qu'on reprenne avec la suite de l'émission, je dois préciser un truc, d'ici quelques minutes, on va vous offrir des cadeaux. Ah. Parce que Damien a mis un truc dans son cul. Ah. C'est tout de suite. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Il est brillant, à tout point de vue. Et vous allez l'avoir en main avant tout le monde. Dès lundi, écoutez Énergie chaque matin et gagnez le nouvel iPhone XR. Réveillez-vous avec le 6-9 sur Énergie et gagnez l'iPhone XR. Avant tout le monde, exclusivement sur Énergie. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquive. 5 ans que je la vois. Dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr. Même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute. Elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe, aïe, aïe, aïe. Seen a lot of girls in my life, now I've seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh my girl, so sexy, the way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You making me once more sexy, girl. With your sexy body, come and chop my money, yo. Ay, ay, ay, ay. Oh yeah, take all my money, put them for your head. Ay, ay, ay, ay. Make we my they go, baby girl, so ay, ay, ay, ay. Make you follow me, go make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Elle est rentrée dans ma life. Et mon cœur, elle a mis game over. Elle pas une autre. C'est dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life. Et mon cœur, elle a mis game over. Hey, ma bella, hey. Ay, ay, ay. minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur énergie. Bon, Anthony. Ouais, c'est vrai. J'espère que t'es prêt. On téléphone tout de suite à Julie, donc. Ça marche. Alors, prêt. Julie, c'est ta petite copine depuis combien de temps, là? Explique-nous un peu. 5 ans. Et on a 3 enfants. 3 enfants, 5 ans, et bravo, waouh! Wow. Ouais, bravo! Et vous avez consommé les 5 années, hein? Ouais, c'est ça, on a bien fait ça. C'est quasiment un enfant tous les, non, tous les moi, ans et enfant, deux mois. J'ai eu un enfant tout seul et après on a eu des enfants ensemble. Comment t'as fait pour faire un enfant tout seul? Bah, tout seul avec mon ex. Mais non, mais je sais, je fais le con un peu, oh là là. Eh, laisse-nous faire des vannes, hein. Voilà. Ah, ça va, ouais. Le mec, il a chié un gosse. Ah, c'est mauvais, les gars. T'as dit quoi? Ah, mais c'est pour ça qu'on dit que son enfant est mauvais, désolé. C'est facile. C'est pas grave. Bon, Anthony, t'es prêt? Je suis prêt. Super. On va téléphoner à Julie tout de suite, on se concentre. Let's go. Bonne merde à toi, bon courage, on coupe le micro, on nous entend plus. Allez. Dès que la musique s'arrête, Anthony, c'est à toi. Allô? Allô? Ouais, ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je suis à la maison. Pourquoi tu m'as pas entendu? Bah c'est le numéro Alex. Quoi? Je suis avec Alex et Choco. Hein? Je suis avec Alex et Choco. Ah oh, ouais. Donc t'as... Et tu fais quoi, rien? Bah non, je suis à la maison, je suis devant la télé. Ah ouais, et les enfants ils dorment? Ouais. Ah mais ça va. Bah je voulais te parler en fait. Ouais. La semaine passée, tu sais, on a fait la soirée avec Choco et tout, là. Ouais. Ce soir-là, il y avait une meuf, en fait, qui était là, tu vois, une pote à Choc. Hein? Et... elle m'a demandé de la raccompagner, en fait. Et tu me sortais aujourd'hui. Quoi? Tu me sortais aujourd'hui, qu'il y avait une meuf, et en plus de ça, que tu l'as raccompagnée. Ouais. Ouais. Ouais, normal, ouais. Mais j'ai pas su te sortir ça, tu vois. C'est hein? Chaud, quoi. C'est chaud de te sortir ça ainsi, mais là, je m'en veux. Le problème, c'est que ça a été, tu vois, ça a été un peu loin, quoi. De quoi ça a été loin? Dire. Bah, je suis rentré chez elle et voilà, quoi. Quoi, voilà, quoi? Bah, c'est passé ce qui devait se passer et j'avais bu. T'es et sérieux, là? Elle m'a chauffé. Bah ouais, je suis sérieux, ouais. Ouais, ouais, t'es sérieux, bah c'est bien. C'est bien, t'es là toujours à faire le grand moralisateur tout le temps, mais en fin de compte... Bah non, mais voilà, tu sais, j'ai eu au bout de 5 ans, des fois, on peut être... Au bout de 5 ans de quoi? T'es sérieux, là? C'est quoi ton délire? Bah quoi, enfin, je sais pas... Bah quoi, au bout de 5 ans, c'est quoi le délire? Je vois pas le rapport. tu raccompagnes une meuf, c'est normal. Et en plus de ça, tu la baises. Non, mais allez, franchement. Ah ouais, je sais. Bah ouais, bah ouais. Non, mais là, c'est bon, ouais. Rentre même pas. Hein. Mais quoi, rentre même pas. Quand on est ensemble. Dans le garage, mon gars, tu vas voir. Bah, tu vas voir, fais de malin. Ouais, vas-y, c'est bien. Vas-y, vas-y, ta gueule. Vas-y, ta gueule, arrête. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Ah ça c'est violent, ça vient d'or ça. Ah là là, ça c'est. Je suis en panique à la moto là les gars. Elle est montée, mesdames. Elle est montée d'un coup. Il faut la rappeler les gars. On la rappelle. On la rappelle. Ah putain, elle va te monter. On la rappelle. Vas-y Lara, tu parles. Vas-y Lara, c'est Lara qui parle. Non mais vas-y, mais faut que tu le dises hein. Et toi, qui toi? Oh merde, elle est là, merde. Quoi, merde, mais c'est qui là? C'est sérieux là? Je veux plus lui parler. Mais quoi? Mais. Tu te fous de ma gueule en fait? Non, mais tu te fous de ma gueule là, sérieusement? Non, bah non. En plus, t'es encore avec elle? Tu me dis que tu t'en. Toco et Alex, t'es encore avec elle? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah, je sais pas. C'est pas ma meuf, voilà, ça s'est passé une fois. Ouais, d'ailleurs, ça s'est passé une fois, tu la revois, c'est normal, mais t'inquiète, moi je vais aller voir des mecs aussi, je vais les revoir après. Tu te fous de ma gueule ou quoi, putain? Mais elle est folle ta meuf. Ah, c'est chaud. T'es un malade, ouais, c'est chaud pour qui? Dis-lui que moi je suis pas amoureuse de toi. Tu vas voir, je te jure, tu vas voir, tu vas comprendre, toi. Dis-lui que moi je suis pas amoureuse de toi, c'est juste. Mais ferme ta gueule, toi! C'est juste pour le bon sexe. Eh, le bon sexe, je t'en fous dans ta gueule, tu dis le bon sexe, tu vas voir comment. Bah, elle sait de quoi je parle, non? Ferme ta gueule, va! Non, mais non, elle a raccroché, en tout, tu es normal. Vaisseau. Je dis vos réactions en direct, là, on m'envoie. Yes, vous l'avez eu, on m'enlève sa meuf est montée. Les gars, on va désamorcer. Il y a ma moto dans le garage, là. Hein. Attends, mais elle va toucher ta moto. En panique, hein. Mais elle est capable. Ah ouais, mais c'est ce qu'elle a dit, elle vient de le dire. Non. Elle a gueulé, toi, tu vas voir ta moto. Rappelle. Attends, je vais lui parler, moi. Oh, on désamorce vite, là. Non, on désamorce pas. Mais non, sa moto. Julie, touche pas à la moto. Quoi, touche pas à la moto? Salut, c'est un pote, c'est le pote à Anthony, là. Touche pas à la moto, s'il te plaît. Mais on s'en branle de sa moto. Non, mais voilà. On s'en branle complètement de sa moto. Je vais la rechouter aussi bien qu'à chouchouter l'autre. Non, mais touche pas à la moto. La moto, t'as rien à voir là-dedans. Laisse la moto. Ne tire pas sur la moto. La moto. On l'a fait sur la moto. Allô? On l'a fait sur la moto en plus, c'était trop bien. T'as perdu. Attends, Anthony est parti 2 secondes. Attends, je passe le téléphone à. Il était se rhabiller. Mais ta gueule, toi. Non, mais Julie, mais tu veux pas nous rejoindre? Parce qu'en fait, il m'a montré des photos de toi. Allô? Allô? Sérieux, là, en fait? Allô? Ouais. Ah, ils nous entendent plus là. Eh, c'est le bordel. Ouais. Tu te fous de ma gueule, ça t'amuse? Tu vas me rappeler combien de fois? Pourquoi tu rappelles? En plus, t'es avec elle, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, mais Julie, il faut que tu comprennes. Je veux pas. Tu vois, je veux pas que ça se finisse. Je veux pas que. De ma gueule, putain! Comprendre quoi? Tu veux aussi aller baiser avec un autre et tu te dirais. Ah non, c'est mort. Ah, moi je veux bien. Moi je veux bien. Moi je suis le pote d'Anthony, je veux bien. Eh ben viens. Ouais? Viens, ça va être génial. Si tu veux, on peut même le faire sur sa moto, ça va être génial. Ah, oh, vas-y, avec c'est plaisir. C'est super sur sa moto. Moi j'ai testé, c'est top. Ma gueule, bon, Anthony, je vais rejoindre ta meuf. Hein. Tu me fais une blague ou quoi? Anthony, je rejoins ta meuf, ça te dérange pas. Hein. Bah non, pardonner. Ok, bah attends, je vais parler. Allô, Julie? Allô, Julie? Ouais? Julie, écoute. Est-ce qu'il y a moyen, tu penses que. Voilà. Que on rattrape la connerie d'Anthony? Tu vois, œil pour œil, dent pour dent, hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, pourquoi? Ouais, certains, de toute manière. C'est. Je connais même pas cette voix, c'est quoi ce bordel? Bah, moi, je suis un pote Anthony, je m'appelle Vince. Ouais. Ah, ça y est, t'as un prénom, t'as. Bah, comment c'est un autre prénom? Je me suis toujours appelé Vince. Enfin, je m'appelle Vincent de base, c'est un mais on m'appelle Vince, en fait, pour ça. Ah, super. Donc voilà. Mais quoi, Julie, donc on se voit et tout, comme ça, Anthony, il fait son truc avec Lara, et puis moi. Ouais. Moi et toi, quoi. Ouais. Et dis à l'autre de fermer ta gueule, là, derrière. Ah, mais ça m'excite quand elle parle comme ça. Tu veux pas nous rejoindre? Ah ouais, à 4, si on vient. C'est trop bien. Sur la moto. Ouais, toi, moi. Acrobaties et tout. Julie, Anthony. Attends, ah merde, on l'a perdu encore! Non, il faut la rappeler! Non, mais il n'y a pas le standard qui est en train de déconner parce qu'on perd tout le temps Anthony là. Non, Anthony il est là. Ah, Anthony. Je suis là. Ok, ouais, parce qu'Anthony on le perd souvent là. Anthony, attends, je pense qu'elle se doute que c'est une blague. Oui. On a fait un truc un peu what the fuck. Non, oui, bah oui. Voilà, mais on a fait un truc what the fuck pour éviter qu'elle touche à ta moto. On t'a protégé ta moto. Grave, non mais. C'est bon, je pense qu'elle a pété le plomb là, les gars. Attends, on va lui dire. Vas-y, dis-lui la vérité, Anthony. Ouais. Anthony!

21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Bienvenue sur Énergie, on est en live les amis. Oh my gosh, oh my gosh. Avec Thibaut qui est dans la maison, ça va Thibaut, tranquille? Ouais, tranquille et toi? Oh, ça va le vendredi, c'est... Ouais, ouais, c'est chill. Hein. Oh, ces petits jours de repos, ces jours posés, ces jours tranquilles, c'est... j'ai besoin d'un petit thé, tout ça. Ah, moi j'ai pris le mien, mais bon, c'est le thé de la machine, du coup, c'est juste des arômes. C'est juste des arômes? Ouais, ouais. Oh. Ah ouais, je suis déçu. Ouais, ouais, depuis que je t'ai dit ça en fait. Ouais, non, mais c'est bon, ça reste y bon. Il y a du vrai thé si tu veux dans mon bureau, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, les amis, essayez de deviner qu'est-ce qu'il a dans son cul, Damien. Si vous y arrivez, vous repartez avec des cadeaux énergie. La première personne qui trouve gagne. Damien, c'est qui? C'est un auditeur très fidèle qui nous envoie toujours une photo de son cul. Et aujourd'hui, il était très original, il a écrit Vince énergie sur son cul. C'est très sérieux, hein. Essayez de deviner ce qu'il a dedans. Alors, on m'a envoyé un cornichon, c'est pas un cornichon. On m'a proposé une feuille d'épinard, ce n'est pas ça. Proposition, allez-y, du côté du WhatsApp, hein, 0492-222-002. Un salami, ce n'est pas un salami. Est-ce que t'as une proposition, toi, Eddy? Je sais pas, une carotte? Une carotte, non, il a jamais une carotte. Non, c'est pas une carotte. Alors, ça dit quoi? Nigel. Pourquoi tu dis il a mis Nigel dans son cul, toi? Parce que Nigel, on le voit pas, il est pas là. Allez, propose un légume. Non, un légume. Ou un fruit, ou un aliment, n'importe. Une carotte. Non, ça a déjà été proposé, mais tu vois, t'écoutes pas, t'es pas attentif dans cette émission. Tu rigoles, mais alors articule. Bon. Un artichaut. Un artichaut, c'est bien comme proposition. Plus près du micro, attention. Ouais. Un artichaut, c'est pas ça, malheureusement. Vas-y. Une princesse, enfin un haricot. Non, c'est pas ça. Une branche de thym, une frite non plus, une courgette non plus, c'est pas ça. Michel m'envoie du pain non plus. Concombre était proposé. Ah, Kevin a la bonne réponse, c'est le seul. Salade. Salade, c'est pas la bonne réponse. Cervelas non plus. Une baguette non plus. Banane non plus. Il y a KSR qui m'envoie un message vocal là. Ça dit quoi? Je crois qu'il s'est mis un schtroumpf dans le fion. Non, c'est pas ça. Vince, est-ce que ce serait un féculent? Je ne répondrai pas, je dis juste c'est pas ça. Un concombre, c'est pas ça. Un poireau, c'est pas ça. Une pomme de terre, tiens, pour un féculent, c'est pas ça. Carotte, j'avais déjà dit que c'était pas ça. Une aubergine, c'est pas ça. Asperge, c'est pas ça. 0492-222-002. Fricadelle, c'est pas ça. Une tomate, c'est pas ça non plus. Jasse, un polycroque, c'est pas ça. Tomate pour Geoffrey, c'est pas ça. Un brocoli non plus. On retourne du côté de Thibaut. Mexicano. Non, c'est pas ça du tout. Eddy. Du miel. Du miel, ah, pas mal. Original, ça doit être bon pour la peau, ça je crois. C'est pas ça. Aubergine, c'est pas la bonne réponse. Eddy, quoi du côté de Fred? Il s'est mis une pomme. Ou alors, je sais pas, une abricot, une pêche, un melon, une pastèque. Non, ce n'est pas ça. Des pâtes non plus, c'est pas ça. C'est pas une aubergine. Adrien, il propose quoi, Adrien, en note vocale? Putain, ça suffit de merde. Non, c'est pas ça, Adrien. Bien, j'ai bien essayé. Gino propose un fromage non plus. John, il dit quoi, là? Est-ce que ça se mange? Bon, bien, malgré qu'après ça, je pense que ça se mange plus, mais bon. Oui, ça se mange. Je confirme que ça se mange. Alors, saucisson. C'est pas ça, c'est pas un saucisson. Maxime, il propose quoi, Maxime? La grosse bite à dudule. Non, c'est pas la grosse bite à dudule. Une canette a été proposée. Non, c'est pas ça. Rhubarbe, c'est pas ça non plus. Une asperge non plus. Betterave non plus. Lara, tu proposes quoi? Du persil. Du persil. Non plus. Céleri, c'est pas ça. Potiron, c'est pas ça. Un salami, c'est pas ça. Un boudin, c'est pas ça. Vous galérez ce soir. Hein. 0492-222-002. Diego. Un pain rond, mulky, sauce mayo avec frites. Non, c'est pas ça. Elle a pris sa commande. Cervelas, salade. Un bateau, on nous m'envoie. Non, c'est pas un bateau. Un piment non plus. Rodolphe propose du riz, c'est pas ça. Isaline, un navet non plus. Isabelle, une orange non plus. Et vous galérez, hein, ce soir. Alors, on propose une frite non plus. Et y a personne qui trouve. Une petite bouteille de lait. Mais est-ce que c'est un légume, en fait? Bah, je ne peux pas répondre. Une frite. Une poire. Ça a déjà été proposé, c'est pas une frite. Un gland. Un gland. Oh, bah non, c'est pas un gland. Une clémentine, un poivron est-ce non que... plus. Du raisin non plus. Un pot de sauce de mayonnaise. Un pot de sauce de mayonnaise. Un pot de sauce de mayonnaise. Voyez-vous cela? Ouais, il travaille dans un snack, du coup. Le ouais. Pot de sauce de mayonnaise. T'as pas le petit ravier dans lequel ils te mettent les sauces avec le petit capuchon en plastique? Le très gros pot de sauce, tu vois. Je sais pas, moi. Bon, malheureusement, non, c'est toujours pas ça. Une fricadelle. Une fricadelle. Un poulicroque. Non, tout ça a été proposé. Châtaigne non plus, c'est pas une châtaigne. Un billet de 20 euros. Un billet, non plus. Bah quoi, il travaille dans un snack. Bah oui, c'est vrai. Alors, Lord Ryzen, il propose. C'est une croquette, dit. Non, eh ben, c'est pas une croquette. Isma, ça dit quoi, Isma? Vas-y, on clique play. Un navet. Un navet. Un navet. Non, c'est pas un navet. Du chou. Un hamburger. Non, c'est pas chou. Non, non plus, non plus. Des olives. Non plus, toujours pas. Salade, maïs, tout. Une brochette d'agneau dans le cul. Non, c'est toujours pas ça. Salade, tomate, oignon. Ou alors un hamburger. Hein. Non, c'est toujours pas ça. Hier, c'était du haché. Oui, enfin, t'as voulu que la réponse soit du bœuf porc. Ouais, du bœuf porc. Ah, il s'est tapé un oignon dans le fion. Non, c'est pas un oignon. Mais Vince, c'est un truc qu'on trouve dans un snack. Oui, on peut en trouver, ouais. On peut en trouver. Tu peux en trouver. Bah oui, forcément, puisqu'il nous envoie ça depuis un snack, le mec crevé dans un tag. Non, c'est pas du cheddar. Du poivre. Note vocale, si vous voulez, sur WhatsApp 0492 222 002 ou alors 3018. C'est une échalote. Ah. Attends, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit quoi? Une échalote. C'est une bonne réponse. Je l'ai dit. T'as dit échalote, non? Ouais, j'ai dit échalote. Ah ouais, t'as dit. J'ai pas entendu, t'as dit ça quand? T'as dit échalote. T'as dit quand échalote? Ben j'ai dit ça il y a peut-être 1 minute 50. Arrête, je l'ai même pas entendu, tellement t'es discret. Mais c'est pas grave, de toute façon, toi t'en fous, t'as vu la photo? Non, j'ai pas vu la photo par contre. Voilà, bah. Montre un peu. Ouais, vas-y, montre. Alors, j'espère que vous êtes accrochés. Ouais. Oh non. Voici la photo du cul. Et en plus, il s'est un peu penché pour que quelqu'un la prenne. Voici, et c'est très bizarre. Ah mais il a écrit un truc sur ses fesses. Il a écrit Vince Energy. J'ai pas voulu le mentionner forcément, mais le contraste est un peu. On peut penser que c'est autre chose qu'une échalote. Ouais, on dirait vraiment autre chose qu'une échalote. Hein, effectivement. C'est immonde. C'est dégueulasse. Mais il est trop marrant ce gars. Merci Damien qui à chaque fois nous envoie toujours une photo de son cul avec quelque chose dedans. Mais en fait il a mis trois échalotes en fait. Oh mon Dieu. C'est ignoble. Ou alors c'est des hémorroïdes, je sais pas. J'arrive pas à faire la différence. On nous demande la photo. Alors celui qui a trouvé, qui a envoyé échalote, ben je vais lui envoyer. C'est lui qui a la bonne réponse. Envoyez pas tous échalotes maintenant. Hein. Voilà, de préférence. Pourquoi pas? Mais non, parce que je peux pas l'envoyer. Je sais pas forcément qui est derrière le WhatsApp. Tu vois, ça peut être tout le monde et n'importe qui, tout simplement. Bon les amis, tout de suite le son de Jane. Et après le mot de la fin. Et on va terminer avec Extravadent sur Energy. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ouais. Jane avec Alright. Extravadance qui va démarrer, je prends le contrôle des platines pendant une 30 minutes et après ce sera Ben Smith qui prendra lui à son tour le contrôle des platines, un DJ qui vient de Liège. Let's go! Nacho. Le soir dès 21h. Vince est sur Énergie. Bienvenue sur Énergie. À la minuit, une pile poil, l'extravagance qui va démarrer d'ici quelques instants sur Énergie. Doucement, doucement avec ce. Oh, c'est quoi ces bruits là? Incroyable. On appelle hors antenne la personne qui nous a envoyé échalote en premier. Bravo à lui. Et bravo à elle. Je ne sais plus très bien, c'est un garçon, je crois qu'il avait trouvé, effectivement. Dites-nous ce que vous allez faire ce week-end, les amis là. Et pendant tout le week-end, n'hésitez pas à envoyer nous des photos de ce que vous allez faire, de ce que vous faites aussi. Si vous partez peut-être en vacances un petit peu, prendre la route. Si vous bossez, si vous étudiez, tout ça. Et toi, tu vas faire quoi ce week-end, Vince? La même chose que chaque week-end. Et donc Thibaut, me reposer de toute la semaine. Dormir et reposer ma voix. D'avoir tenté de conquérir le monde. C'est ça, exactement. Je devais mixer normalement ce soir à. Ça s'appelle comment encore cette boîte-là? Au Réal, à côté du Zozo, j'étais la semaine dernière. Mm-hmm. Mais ces bâtards, ils m'ont annulé en dernière minute. Ouais, voilà. Donc bah, je vais dormir. Non, mais c'est des amateurs en fait. Hein. Mon manager était super gentil. Il a été cool. Il a dit allez, c'est bon, Vince, il vient et tout ça. Et après, ils ont appelé. Ouais, mais finalement, on décide de l'annuler. Voilà, tu vois, c'est des gamins, ils connaissent rien au truc. Donc, Réal, faites gaffe. La boîte de nuit, faites gaffe à qui vous engagez là pour vos organisateurs. On ne sait jamais. Ils ont l'air d'être très amateurs. Voilà. Ouais. Allez, la punchline est passée. Ils ont annulé la mauvaise personne. Ouais, vraiment. Ah non, mais vraiment. Il fallait, à mon avis. Qui fasse autre chose que organiser des soirées. Faites autre chose, quelque chose qui, voilà, peut-être plus de votre caution intellectuelle. Ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Voilà, bon courage hein, pour organiser les prochains trucs. Peut-être vous, si vous voulez, je sais qu'à la crèche de mon fils, ils cherchent des animateurs aussi pour organiser des petits trucs pour enfants. Ah, tu laisserais ton fils voilà. Là-dedans. C'est peut-être un peu plus de votre niveau. Hein. Voilà, je dis ça, c'est pas pour le Réal. Hein. Le Réal, ils sont cool. Mais les organisateurs de ce soir-là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Amateurisme. Ça tire à balles réelles, ma gueule. Ouais, merci. Complètement, complètement. Ah là, c'est un headshot. Vous pouvez venir chez moi si vous voulez faire un peu le ménage, ça ferait plaisir. Le mec est real. On règle ça dans la rue, nous, t'as vu. Voilà, bang, bang. Bon, bang, allez. Bang. Extravagance qui va commencer dans quelques instants. On salue Ben Smith là aussi qui va arriver là pour son set dans une petite demi-heure. Avant ça, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Voici le mot de la fin, j'ai en tête. Première personne qui trouve gagne. Je précise que pour l'instant, c'est égalité parfaite ici autour de la table. Et qui va gagner? Qui va se différencier? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Après et la pub. Et on commence maintenant. Attention, c'est parti. Eddie, tu prends. Non, d'abord, c'est vrai, je commence toujours par ma droite. Ouais. Vous ne le voyez pas, mais c'est ma droite, c'est Thibaut. Vas-y, Thibaut. Un objet. Un objet. Ah, eh ben, c'est froid. Une saucisse. Une saucisse. C'est. Eh ben, dis donc. C'est froid. C'est le froid. Week-end. Ah, froid. C'est froid. C'est froid. C'est froid. Fromage. Un fromage. Saucisse, fromage. C'est froid. Par contre, excuse-moi, je reviens à objet. Si, c'est quand même chaud, excuse-moi. C'est ça qui dit pinard. Ah, c'est quand même chaud, objet. Objet est chaud, excusez-moi. Voilà, je reviens à toi d'ailleurs, Thibaut. Technologie. Technologie brûlant. Ah, ben voilà. Oh, ben voilà. Objet, technologie. Une télécommande. Brûlantissime. Voilà. Ah bah voilà. Brûlant, brûlant de ouf. C'est bon, il dit, vas-y. Objet, technologie et toi t'as dit télécommande. Écran. Oh, c'est brûlant de dingue. Mais c'est pas ça. C'est brûlant de dingue, mais c'est pas ça. Je précise qu'on a dit six mots. C'est brûlant de ouf, c'est brûlant de ouf. Écran est très brûlant. On m'envoyait une TV. Ouais, c'est chaud, mais écran est plus chaud. Les auditeurs un peu. Eh ben, on m'envoyait cinéma, télévision, télé, tout ça, c'est chaud. Une tablette, non, ça se refroidit. Un clavier, ça se refroidit. Un GSM, c'est froid. Une souris, c'est froid. Une radio, c'est froid. Pixel, oui, brûlant pixel, bien sûr. Écran, tout ça. Drone, c'est froid. Image, bah, écran est le plus chaud jusqu'à maintenant, vraiment. Alors, on me propose quoi? On me propose smartphone encore. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on me propose? 0492 222 002. Appareil photo, c'est froid. Plasma, c'est froid. Pouce, brûlant pouce. Brûlant, les mesures en pouce. Alors, ça dit quoi, Thibaut? Je sais pas, je vais dire téléphone. Non, téléphone a déjà été proposé. Tu vois, tu n'écoutes pas, c'est incroyable. On passe à Lara. Lara, tu proposes quoi? Plasma. C'est déjà été proposé, tu vois, tu n'écoutes pas, Lara. Oh, écoutez pas. Non, j'étais en train de parler avec notre ami. Non, il vient de notre club, Stéphane. Stéphane Show. Joue avec nous. Alors, moi, je vais dire cathodique. Cathodique. Ouais, mais c'est brûlant tout ça. C'est voilà, qu'est-ce oui. Qu'il y a cathodique, c'est chaud. Est-ce que je peux dire une autre chose? Non, non, non. Vas-y, Eddie. Smartphone. Non, smartphone a déjà été proposé. Vous écoutez pas. Franchement, t'écoutes pas. Ça revient à Lara parce que lui aussi. Ah, ouais, LCD. Ça se refroidit, malheureusement. Ça se refroidit. Attention, on revient. Attends, plasma cathodique, mais pas LCD. Non, pas LCD. Tu peux répéter les mots les plus chauds? Alors, écran est le plus chaud. Pixel, technologie, bon, on a trouvé plus chaud. Le plus chaud, c'est vraiment écran. Mais pourquoi est-ce que. Écran et pixel, c'est chaud de ouf. Plasma est chaud, mais pas LCD. C'est ça que je comprends pas. Mais plasma est chaud. Mais pas LCD. Mais pas LCD. Donc un écran plasma, oui. Le, d'abord, il y a eu les plasmas, puis les LCD. Ah d'accord, ok. Voilà, je vous donne un indice. Les plasmas, c'est vieux, hein, l'écran plasma. On fait genre, ouais, écran plasma, le mot paraît bah cool, oui, mais c'est old school plasma, quand même. Hein. Ah. Attention, on peut retourner à Thibaut. D'abord c'est dit, pardon. Un laptop. Un laptop, non, il a c'est froid. Son tour en plus. Non, mais on a déjà passé, on est déjà sur le tour passé. Ah. Un film. Un film. Mais t'es... Un film. Hein. Ah bah non, c'est froid. Ah. Désolé, par rapport à tout ce qui était proposé, c'est froid. On m'a envoyé ordinateur. Chaud, mais chaud. C'est chaud. Résolution. Ordinateur, non, ça se refroidit. Chaud, écran, donc chaud, excusez-moi. Ordinateur, écran. Stéphane Chaud, justement, j'arrête pas de dire chaud. Stéphane Chaud, nostalgie, qui vient de terminer là. Il a terminé à minuit sur nostalgie. T'as une idée de mot, toi? Pardon, avec ton micro, c'est mieux. Allez, t'as dit donne quoi un mot. Mais un mot quoi Propose un mot qui se rapproche de écran. Il y avait quoi d'autre Il y avait écran. Ordinateur. Ordinateur, écran, c'est les plus chauds, quoi. Vidéo. Vidéo, bah non, écran et ordinateur, c'est toujours le plus chaud. Attends, et quand il a dit, c'est le dernier mot qui était chaud. Vous savez quoi, donnez-moi un synonyme d'écran. Attention, je suis à Eddie. Lara. Un synonyme d'écran. Allez, Lara. Lara, elle prend le temps de réfléchir. Attends, 3, un synonyme d'écran. 2, 1. Une fenêtre. Non, c'est pas ça. Attention. Eddie, un synonyme d'écran. Un moniteur. Enfin, c'est une bonne réponse. Et c'est pour ça que quand il m'a proposé objet Thibaut au début, j'ai hésité parce que je pensais à un moniteur d'auto-école, un moniteur de ski. Et après, je réfléchis, je dis, mais non, moniteur, c'est aussi un écran, tu vois. Et ben voilà, c'était le mot moniteur, tout simplement. Mais attends, mais donc t'es allez, le grand gagnant. Qui me l'envoie. T'es le grand gagnant. Allez, oui, de cette semaine. Bravo. Eh ben dis donc, ben voilà. La semaine passée, j'ai perdu en finale. Ouais. Cette fois-ci, je remporte. Et je suis vraiment fier d'être arrivé jusque non, là. Non, mais où t'as je suis cru que t'étais aux chiffres et lettres. Tu pouvais y croire. Hein. Mais voilà. Je pars avec toute la série des Larousse. Les encyclopédies Larousse, je pourrais partir avec ça, s'il te plaît. C'est bon, parce que tu non, tu repars avec un set de valises. Les amis, quant à nous, on se retrouve, dès lundi sur Énergie. Là, merci pour tous vos messages. Merci encore une fois pour cette semaine. Merci Lara. Mais de rien. Merci Thibaut. De rien. Merci Eddy aussi. Mais de rien. Et on remercie Nigel qui est avec nous sur les meilleurs moments ce soir, mais pas avec nous en physique. Il prépare un truc pour l'émission, voilà. On lui fait un bisou. Ouais. Bisous à Stéphane Chaud qui a terminé son Nostaclub. Bisous à tous. Hein. Voilà, il vient se poser chez nous tranquille. Un jour, c'est moi qui vais venir animer chez toi. Ah, avec grand plaisir. Et toi, tu remplaces. On pourrait faire. Ah ouais, on va inverser. Ah ouais. Franchement, il envoie du lourd en plus. Hein. Ouais, il est bon. J'aime bien ce qu'il fait. Je dis, il est bon, tu sais. C'est notre seigneur à tous et on parle comme ça, là. Ça va, faut pas abuser. Un peu de respect, s'il vous plaît. On respecte. Oui, dis-moi, allez, dis-nous, jusqu'à 3 heures, tu crois que. Non. Tu crois que Chaud, s'il est sur Énergie, il finit à minuit ou à 2h30 comme nous ou à 21h30. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait le show. Allez, rendez-vous. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de le faire. Ah ouais, non, pas de problème. Ok, on va. Les gars, il y a Extra Dance. Non, c'est pas possible. J'ai un invité DJ qui doit démarrer pile poil dans 20 minutes. Ça va être compliqué. Déjà, il va avoir du retard. Non, mais je me suis trompé. C'est pas maintenant, c'est une prochaine fois. Voilà, on est bien d'accord. Merci. Arrêtez vos initiatives. T'inquiète pas, tu l'es déjà bien. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Rendez-vous lundi dès 21h sur Énergie. Merci pour tous vos messages. Bonne nuit tout le monde. Bisous. Ciao. Vince revient demain. Dès 21h. Non, pas demain. J'ai pas dit demain. Qui a dit que je revenais demain? Je suis désolé, j'ai pas dit ça. Donc, du coup, moi, je supprime le jingle. Voilà. Attends, t'as dit quoi, Lara? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, pardon, je croyais que l'émission était finie. Je trompé de jingle. À qui est ce bic à quatre couleurs? C'est le mien. Non. Ah, c'est celui qui a ta casquette. Tiens, attrape. Voilà. Ah, merde. Ah, voilà, elle a tout cassé, là. Eh, fais gaffe, t'entends.